40 ans de Fatchette, 40 ans de hit. Et oui, merci d'être avec nous ce soir pour ces 40 heures de direct. On entame effectivement déjà la 7e heure, il me semble. Et bien, pour l'instant, nous sommes en forme. Merci à Pierre aussi d'avoir tenu l'antenne. Le pauvre, il avait plus de voix à la fin. Ah, bah, on a cru qu'on l'aurait plus à la fin. On est arrivé, heureusement qu'il faisait pas 3 heures. Où est la voix de Pierre? J'ai dit qu'on allait le perdre, mais non, tout va bien. Il a réussi à tenir. Il reviendra demain dès 17 heures. Vous l'entendez sur ce studio des 40 heures, m'ont rejoint. De voix que l'on a déjà entendu aujourd'hui, ce n'est donc pas un bonjour mais un re. Oui, non, bah, on a déjà travaillé. Ouais, viens, on y va. Viens, on rentre. Ouais, vous avez déjà fait pas mal, mais je pense qu'on va quand même profiter de ces 2 heures ensemble pour repartager quelques anecdotes, celles qu'on n'a pas trop pu partager pendant le lancement, évidemment. Élise Magali, merci d'être avec nous pour cette nocturne. Ah, on est là parce qu'on ne nous a pas laissé le choix. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Pour les 2 heures, en tout cas, oui. On sera en train de dormir. Hein. Enfin, je veux dire... Ah, non, écoute, oui. T'as l'habitude de faire des matinales, c'est juste que là, au lieu de te lever tôt, tu te couches tard. Alors, du coup, il faut savoir que là, dans une heure, ça fera 24 heures que je suis debout. Pas mal. Ça va être... voilà. Moi, je vais faire sachant à peu près le même demain. Sachant que je sors d'une semaine de grippe, donc s'il vous plaît, chers auditeurs, si vous êtes là, soyez indulgents avec nous et surtout, écrivez-nous. Comme ça, ça nous gardera réveillés, motivés. Bien sûr. Et on le rappelle, il y a toujours le Facebook Live qui tourne, donc vous pouvez nous regarder, nous écouter et nous regarder et donc participer avec nous à cette émission parce que là, sur les 2 petites heures qu'on va passer ensemble, il va y avoir des petits jeux, des petits quiz, on va partager un petit peu nos anecdotes aussi, tout ça. Et ça va être bien. Est-ce que vous avez eu le temps de vous reposer un petit peu quand même depuis votre passage tout à l'heure à l'antenne? Alors, on a vadrouillé, on a écumé les rues et les bars de Nancy. Ok. Voilà. Bon, ça me paraît bien, effectivement. Bah ouais. Donc là, vous êtes dans un état optimal pour ces 2 heures. Bah écoute, on a bu du mocktail et du Diabolo. Oh là là, je sais pas si c'est avec ça qu'on va tenir. Ah, vous avez été si raisonnable, c'est terrible. Peut-être plus que toi, non, c'est ça? Ah oui. Verre de champagne. Tu dois durer plus longtemps. Moi je veux pas dire, mais on a vu Valentin se trimballer avec des bouteilles de champagne dans les couloirs de Fadjet et il en avait une dans chaque main. Alors, moi je dis ça, je... Je tiens à démentir, j'en avais une dans une main et l'autre c'était un gobelet qui était rempli, excusez-moi, certes, mais un gobelet. Et qui s'est vite vidé. Mais un gobelet. En tout cas, heureux de passer du temps avec vous. On l'a déjà dit, on va peut-être pas répéter ce que vous avez déjà dit pendant l'introduction de l'émission, mais Fadjet, on peut le dire pour tous les 3, c'est quand même une grosse histoire d'amour qui date depuis plusieurs années. Alors pour moi, ça va faire 9 ans cette année. Ça va faire 9 ans aussi cette année pour moi. Incroyable. Moi, ça va faire 15 ans. 15 ans. Bah ouais. Oh là là. Écoute, moi, j'ai envie de commencer par une anecdote que j'ai pas pu donner tout à l'heure, mais qui a été ma première émission en direct à Fadjet. Sortez les mouchoirs. Ouais. C'était une matinale du vendredi matin. Si vous avez bien suivi, qui faisait les matinales du vendredi matin pendant longtemps? Une personne merveilleuse. Une personne merveilleuse. Ouais. Ah, j'y étais. Exactement. Et ma première matinale, c'est donc avec Magali. Et ouais. Incroyable. C'est incroyable. Je m'en rappelle. Tu étais tout timide et tout. Ouais. J'avais fait que la météo, je crois, à ce moment-là. Ouais, et c'était déjà une grande épreuve pour moi. Je crois que mes premiers pas en matinale, effectivement, c'était les petites chroniques, les petites... la météo, quoi, le truc où si tu te plantes, c'est pas très grave. C'est au pire, le mec, il mettra un pull au lieu d'un t-shirt. Oui, bon, il aura un peu chaud et puis voilà. Et juste la semaine d'après, on m'avait dit, bon, bah, t'as bien géré la météo, allez, une chronique. Et puis allez, voilà, comme ça, hop, dans le bain direct. Effectivement, alors, je sais pas si on peut le dire, oh, il est 2 ans, on peut raconter cette anecdote. L'invité qu'on avait reçu dans cette première matinale, première fois donc que moi je fais une émission Fadjet, je ne connais pas encore l'ambiance, première matinale, l'invité, un brasseur. C'est l'ambiance conviviale, qui avait ramené 3 bières. Alors jusque là tout va bien, sauf que quand il est 6h30 du matin, que t'es pas réveillé, quelqu'un arrive avec des bières, tu n'as pas le réflexe de les mettre au frigo, on les laisse au milieu de la table, on se dit tiens ça fera des jolies photos. La matinale se termine. Pas de souci. Et le brasseur nous dit, bon, vous allez quand même les goûter. Bien sûr, monsieur le brasseur. Comment vous dire qu'à 8h30, une bière tiède, C'est pas la meilleure expérience. Non, c'est pas... Non, mais du coup, on a... De cette anecdote, on a découlé une autre. Donc, je sais plus si tu étais il me semble que là avec présent, ouais. Don Rouliac. Don Rouliac qui fait des roms. Donc, pareil, invité de la matinale. Bah, Don Rouliac qui fait des roms. Donc, forcément, il vient avec des bouteilles de rhum pour nous faire déguster les roms. En même temps, c'est le but. Donc, voilà, on s'est retrouvés entre 7h et 8h30 à déguster du rhum un vendredi matin. Enfin, bon, voilà. C'est pas le meilleur petit déjeuner que j'ai pris. Mais... Étonnant. Voilà, étonnant. Mais d'ailleurs, oui, bon, sur le fait de boire à l'antenne, j'aurais une anecdote à vous raconter tout à l'heure. Tu nous la gardes pour plus tard. C'est marrant parce que j'ai l'impression que du coup, là, depuis 7 minutes, on parle pas mal d'alcool. Ils doivent se dire, ouais, c'est sacré alcoolo en fait. C'est là où on rêve d'être en ce moment. Est-ce que, en même temps, ça vient pas du fait que tous les trois, on est aussi de la team Radio du Michel? Et ah oui, ça dit Radio du Michel d'hier. C'est quand même, voilà, qui dit festoche, dit bonne ambiance. Je pense qu'on aura quelques anecdotes Radio du Michel à se raconter aussi. Écoute, moi, je peux la raconter encore une énième fois, la mienne, si tu veux. Allez, fais-toi plaisir. Non, j'en ai d'autres avec le GDM. Tu parlais russe, c'était voilà, Little Big. Ah oui. Voilà, on vient de l'entendre à l'instant. Élise, quand elle boit de la vodka, en fait, elle devient bilingue russe-français. C'est trop bizarre. J'adore. Elle l'ignorait, c'est ça qui est beau, évidemment. Et je l'ignore encore. Elle se rappelle pas en fait. Ben, c'est ça. Ah oui, c'est ça finalement. Oh. Ah, c'est convivial. Mal. L'alcool, c'est pas cool. Oui. Voilà. C'est quoi cool. L'alcool, c'est pas cool. C'est pas cool. Évidemment. J'avoue que moi, je sais pas trop ce que vous avez préparé. Je me suis un peu gardé des surprises. Écoute, on n'a pas préparé grand chose pour être tout à fait honnête, parce que de toute façon, ça nous faisait. Voilà, non, faut rester poli. Non, on a préparé un petit peu de musique avec Élise. Ouais. On aime bien regarder des séries, donc on a chacune choisi une série dont on avait envie de vous parler qu'on regarde super. En ce moment. Je voulais faire un petit clin d'œil à Silence ça tourne. Ben donc, oui. Normalement, j'avais demandé à Laura, mais je me suis pris très mal puisque je lui ai demandé hier en disant tiens, c'est vrai que s'il y a les 40 ans de Fudget, tu serais sympa si tu peux enregistrer un petit truc sur ton téléphone. Sachant qu'on est samedi, donc hier c'était vendredi. Ah oui, non, je lui ai demandé jeudi. Ah, bon, ça va, c'était il y a deux jours. Ouais, voilà. Bah, tout va bien. Mais du coup, je lui ai demandé pour un petit message, mais en ce moment, elle est en vacances à Barcelone. Et bon, visiblement, il y a un petit décalage horaire. Petit décalage horaire de trois jours. Elle m'a répondu en disant ah, ça serait trop bien, ce serait pour quand? Bah, pour hier. Donc, hier. Ouais. Et donc, du coup, elle m'a dit je crois que ça va être un peu compliqué. Donc, mais elle vous embrasse quand même. Ah, c'est ça, gentil. Ça fait plaisir, effectivement. Du coup, bon, je vous ai préparé quelques groupes locaux. Voilà, j'ai fait une petite sélection de trois parce que j'ai pas eu le temps d'en faire plus. Et la légende raconte qu'il y aura peut-être un quiz. On a répandu une rumeur là-dessus. Il y a une rumeur qui circule. Alors peut-être qu'on aura un semi-quiz devinette jeu. voilà, on va se construire quelque chose en cours de route. Mais ça va être bien. Hein. Ouais, mais alors, on est content d'être là. Reste avec nous. Moi, je suis convaincu, hein, tu as l'art de me le vendre. Rappelle-moi déjà, juste pour qu'on soit sûr, ton métier, que je sois sûr. Je ne sais pas. Oui, à cette heure-là, on ne sait plus. Je ne sais plus comment je m'appelle. Effectivement. Mais justement, tiens, en parlant tu en perds ton micro. Mais le matériel. Aïe, aïe, aïe. Parce que ça se dévisse. En plus, il faut revisser son micro en direct. On met des petites chaînes, c'est un peu devenu Koh-Lanta. On fait des petites épreuves en même temps. Mais en parlant de mon métier, tout à l'heure, Aurélie nous demandait, j'avais promis que je raconterais cette anecdote. Ah bah oui. Aurélie nous avait demandé de raconter un souvenir de Fudget. Moi, c'est plus un moment de solitude que j'ai vécu. Ah oui. C'est drôle. Enfin, sur le moment, c'était pas drôle. C'était un vendredi matin, donc vendredi de matinale. Donc, je vais pour faire le flash info. Il y avait Davy. Je sais plus qui était là le matin. Enfin, bref, bonne équipe de Joyeux Lurons. Je présente les infos et puis l'une des brèves en tout cas que j'évoque, c'est un immeuble qui s'effondre et une dame de 70 ans qui meurt dans l'effondrement de l'immeuble. Mince. Donc c'est pas super drôle. Ah bah non, c'est pas super joyeux. Ah bah voilà. Donc il y avait un journal à 7h, un journal à 7h30, un journal à 8h. Donc voilà, tout se passe bien, je fais mon journal. Et en fait, j'explique que la dame meurt qu'elle se retrouve sous un enchevêtrement de poutres, ou enfin bref, ouais, toujours est-il que j'utilise le mot enchevêtrement. Et puis à 8h, au bout de 3 journaux, Davy me fait « Wamaï, oh là là, ça fait 3 fois que tu dis enchevêtrement, sans fourcher, oh, moi j'admire. » Puis je lui ai dit « Non mais arrête, tu vas voir que là, pour le dernier journal de 8h30, je vais pas y arriver. » C'est pas passé. Bon bah, il t'a mis la pression. Comme vous pouvez vous en douter, je me suis mis une pression énorme. C'est pas passé. Sauf que moi, c'est pas passé, mais je continue mon annonce, ma brève. Et en fait, j'entends les collègues qui commencent à éclater de rire. Aïe. Pas de solidarité. Et mais ça a été un moment de solitude affreux, en fait, parce que moi, j'étais mort de rire, et je raconte quand même qu'il y a une dame qui est morte et tout, hein. Donc, enfin, c'est pas cool, quoi. Mais je n'y arrivais pas, et on a rigolé, mais je sais pas, ça a duré peut-être 5-10 minutes, le fou rire, on n'y arrivait pas, je n'arrivais plus à parler, je pleurais des larmes tellement je rigolais, j'arrivais plus à reprendre ma respiration, c'était terrible. Et ça a été un moment de solitude atroce, et puis t'es obligé de te reprendre, parce que je veux dire, oui, le journal il continue. Oui, tu dois garder ton calme en journal. Tu dois garder ton calme, c'est assez terrible. Dans une autre radio où j'ai été bénévole aussi, j'ai déjà connu un moment de solitude comme ça, où mon collègue, il présentait le nouvel album, je sais pas, Coldplay, qui avait fait une collaboration avec un artiste indien. Puis vous vous doutez bien que mon co-animateur, il avait pas du tout l'accent indien. Donc en essayant de prononcer le nom de l'album et de l'artiste avec son accent, mort de rire, et pareil. Et en fait, c'est trop drôle, et en fait je me rends compte que quand tu regardes les bêtisiers, tu sais, à Noël, même sur les grandes chaînes, en fait ça arrive tout le temps aux animateurs. Bien sûr. Ah mais ça nous est déjà arrivé, nous, à Déclic, une fois. C'est affreux. Quand je faisais mes infos, mais moi je suis très difficile, enfin je suis pas difficile justement à déconcentrer, en fait, un rien me fait rire. Et une fois je faisais une annonce comme ça, c'était une jeune femme, je crois, qui avait été tuée par un tir d'un chasseur. Et oui, c'est pas drôle. Ce rire. Alors on est en direct, il n'y a pas de montage, en fait. Ah, notre cher technicien Quentin, que autour de la table vous connaissez, peut-être que les auditeurs le connaissaient aussi. Bien sûr, on le salue, a commencé à imiter le chasseur Pouf et à faire dans le micro. Il a coupé son micro, mais moi, je l'entendais, et il me fait. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Ah non. Et voilà, forcément, tu penses au sketch des inconnus. C'est terrible. Et mais ça, c'est du sabotage, ça. C'est pas ta faute, ça. Mes parents qui m'écoutaient, parce que mes parents sont mes plus fidèles auditeurs. Après, elle m'envoie un petit texto. Bah oui, oui. Elle relève les moindres fautes aussi. elle dit fallait faire quand même attention à pas rigoler. Bah oui, mais bon, quand j'ai expliqué je dis c'est pas ma faute. Le beau et le mauvais chasseur, quoi. Après, bon, c'est pas très professionnel, mais je vous avoue qu'une fois, j'ai aussi fait une interview bourrée. Alors, je m'explique. On retourne sur l'alcool. On veut des explications. Oui, c'était en direct. Non, c'était pas en direct, c'était enregistré. Mais c'était en studio. J'animais l'émission Talent d'ici. Très connue émission. Oui, tout à fait. Qu'on produite diffuse. Par Radio RCF, diffusée entre autres sur Radio Fadjet. Très bonne émission musicale. Et bref. Donc tu dis pas ça parce que tu la présentes des fois. Voilà, pas du tout. Et ce jour-là, mon technicien, Antoine Honora, qu'on salue, on gros espère bisous. Qu'il nous écoute. Bisous, Antoine. On est sûr. Et bah, il m'avait mis sur un groupe. Moi, j'avais pas eu le temps d'écouter, donc le jour J, c'était un vendredi après, mais alors moi, le vendredi dans la matinée, je jette un coup d'œil, je dirais pas c'était quel artiste, hein, on va l'épargner, je jette un coup d'œil, puis je me dis, oh là là, merde, oh, c'est pas ma cam, mais je suis professionnel, il faut mener une interview, je vais le faire, et je passe 2 heures, 3 heures, toute la matinée sur cette interview, j'y arrivais pas, je relis 15 fois le dossier de presse, j'étais là, mais je comprends rien, qu'est-ce qu'elle fait comme musique, vraiment, j'y arrivais pas. Et puis là, je me suis dit, mais je crois qu'il y a de la bière dans le bureau d'Antoine. Toujours. C'est moi qui lui avais vendu, j'avoue, la fois-là. Donc voilà, je suis allée dans le bureau d'Antoine, et là, tu vois le truc ultime. je me suis dit, je prends les deux canettes de bière les plus fortes. Alors j'ai trouvé une bière à 9 degrés et puis une autre à 7 degrés. Oui, quand même, oui. Ah, oui. Je les ai bu cul sec. Ah oui, mais j'ai fait une interview, j'ai rien préparé. Tout a été improvisé, j'ai fait une interview du feu de Dieu. Et je pense qu'à la fin, bah, ça ne s'est pas entendu. Mais c'était le seul truc qui me restait. Je me suis dit, vu que je ne sais pas ce qu'on va se raconter, bah, si je suis bourrée, peut-être que ça passera mieux. Et effectivement, et c'est la seule fois, j'avoue, j'ai fait exprès de picoler avant une interview, mais vraiment la fin justifiait les moyens, je crois. Et au final, c'est un bon souvenir. Ça a bien fait rire Antoine quand je lui ai envoyé un texto en lui disant: Antoine, puis-je me servir une ou deux bières dans ton bureau? C'est pour une interview TKT. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour une interview que tu m'as demandé de faire. Ce soir en plus. Donc voilà. Mais bon, on rappelle quand même, on consomme l'alcool avec modération. Modération, bien sûr. On a encore plein d'anecdotes à vous partager. Je pense que là, ça va être 2 heures d'anecdotes et de jeux aussi. Mais je vous propose de faire une première petite pause musicale. Qu'en dites-vous? Vous m'avez ramené plein d'artistes, je crois. Vous voulez commencer par lequel? Dites-moi un peu. Bah, vous pouvez me tutoyer. C'est elle qui s'est plus occupée de musique. Ah, très bien. Bon, alors, okay. Donc je me tourne uniquement vers toi, Mag. Eh bien, qu'est-ce qu'on va écouter? Eh ben, je vais vous parler. Vous connaissez forcément Fadjet, j'imagine, Hoboken Division. Non? Oui. Le blanc, je pensais que tout le monde allait me dire ouais. Ah oui. Je t'avoue que pas du tout. Bon, alors, je t'invite à me faire découvrir. Voilà, ça. J'ai fait une petite sélection de groupes musicaux que j'avais envie d'écouter cette nuit. Alors, pour la petite anecdote, en fait, j'ai découvert le groupe Hoboken Division juste après mon arrivée à Nancy. Donc, c'était en 2009. Je découvrais le campus de Lettres et je découvrais à quel point Nancy était riche de sa scène musicale locale. Et j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour Hoboken Division. Donc, à l'époque, c'était juste un duo composé de Marie et Mathieu. Je les ai connus dans un registre plutôt blues rock avec des sonorités assez road trip américain. Voilà, c'était vachement cool. Hoboken Division, ça a bien évolué. Maintenant, ils sont 4 sur scène. Ouais. Ils ont sorti il y a quelques mois Psycholove, qui est leur 3e album. Alors, les racines blues, elles sont toujours là, mais il y a aussi beaucoup de sonorités maintenant très underground, psyché, kraut. Bon, moi, j'avoue que je préférais les Hoboken Division à leur début. C'était plus des sonorités qui me parlaient par rapport à ce que j'aime, mais leur évolution, elle est super belle. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que Marie et Mathieu, le socle, ils sont toujours là et ils sont restés super sympas, humbles, accessibles. D'ailleurs, vous pouvez réécouter l'émission Talent d'ici, présenté par Magali Santulli avec Hoboken Division. Ça me semble pas du tout orienté. C'est celle où t'étais bourré. C'était pas celle-là. On aura le nom des artistes avant la fin des 4 heures. Avant qu'il soit 4 heures. On va travailler. Voilà, donc vraiment un groupe que j'aime beaucoup et que j'avais envie d'écouter avec vous ce soir. Donc j'ai choisi un titre un peu calme parce que c'est la nuit. Donc on va éviter de faire des pogos partout. Enfin, pourquoi pas? C'est marrant parce qu'il me semble que tout à l'heure, il y a passé une chanson un peu calme et t'as dit bon, moi faudrait peut-être mettre un peu de... Je suis là jusqu'à 7h du matin, disons que si je pouvais éviter de m'endormir, ça m'arrangerait. Mais nul doute que ça va quand même être. Bon, en tout cas, là, c'est un de mes titres préférés qu'ils ont sorti. C'est le titre Oh Lord No More. Oh Lord No More. Long was the healing. Oh Lord No More. When deafened by the fright. Oh Lord No More. We stood there whining, oh Lord, no more, on what happened in life. Oh Lord, no more, we let them take us. Oh Lord, no more of what happened in your life. Fadjet. Quatre décennies de voix qui rassemblent. Il est 2h24, vous êtes toujours avec nous sur Fadjet pour ces 40 heures, 40 ans de Radio Fadjet, 40 ans de voix, 40 ans de musique, j'ai envie de dire 40 ans de festival également, ça tombe bien, j'ai deux spécialistes avec moi, Élise Magali, vous êtes toujours avec nous, ça va toujours hein? Bon, oui, et toi? Écoute, on fait aller, ouais, ça va bientôt faire encore 40 minutes et ça va faire 24 heures que t'es réveillé, oui, ça. Incroyable. Et à 3 heures, on sort le champagne, ouais, oh, encore de l'alcool. Je te cache pas que je n'ai pas attendu 3 heures, évidemment. On parlait donc, ouais, effectivement de festival parce que tous les trois, on a un lien qui est Fadjet, mais on a aussi un lien qui nous dure aussi depuis pas mal d'années maintenant. Le Jardin du Michel, tu fais plusieurs années de suite ensemble, ça crée des liens quand même. Ah bah, hein, ouais. Radio du Michel quand même. Ouais, c'est un beau projet la Radio du Michel hein, quand même. Eh ben tiens, justement, tu me sembles bien parti pour nous expliquer un peu c'est quoi le principe de la Radio du Michel. Oh là là, donc la Radio du Michel est une radio éphémère qui est sur... Alors rappelez-moi la fréquence, 102.9 ça change alors, pas en plus chaque année. Ah, ça, alors bah, la dernière fois c'était 102.9 il me semble. Oui. Je te fais confiance là-dessus. Donc à l'initiative de 6 radios associatives, 7, non, c'est les Francas le 7e, mais oui, c'est 6 radios associatives plus les Francas, donc une radio éphémère pendant le Jardin du Michel, le festival à Toul. On est en direct de 16h à 20h pendant 3 jours et pendant 4 jours du coup cette année. Tout à fait. Et on reçoit les artistes du festival et puis ceux qui font vivre le festival, hein, les partenaires, les bénévoles, les organisateurs, et c'est trop bien. Et les gens, ils aiment bien nous écouter depuis le camping, ils écoutent la radio du Michel. Donc on fait des petits reportages auprès du camping, par exemple, voilà. Toujours assez drôle. Ah oui. Ah oui, il y a 2 ans, j'étais allée au camping. Oui, alors je suis avec Marc qui vient d'arriver et qui galère à monter sa tente. Alors Marc, comment ça va? Il fait pas trop chaud? C'est drôle. T'es devenue la journaliste BFM finalement. Mais ça a toujours été mon rêve et j'ai pu réaliser ce rêve. Il n'a toujours pas monté sa tente. Il y est toujours là d'ailleurs. Je pense. Bon, il prend de l'avance pour cette année. Il s'est embourbé. Hein. C'est vrai que cette année quand même, 4 jours de festoche. C'est incroyable, va se régaler. C'est trop bien pour les 20 ans, enfin pour la 20e édition en tout cas. Ils seront d'ailleurs avec nous, j'allais dire demain, mais tout à l'heure, puisqu'on est déjà samedi, ils seront avec nous à 18h. On a le plaisir d'avoir Pierre qui viendra un peu nous parler aussi de cette édition et du lien entre Fadjet et le Jardin du Michel dans cette fameuse Radio du Michel. Tu disais, 6 radios et donc l'association des Francas qui nous accompagne. On peut citer quand même les radios qui sont partenaires. Donc RCN, que tu vas rejoindre prochainement. Dans une semaine. Radio Déclic. Dans laquelle je suis depuis 3 ans. Depuis 3 ans, effectivement. Nos amis de Radio Campus Lorraine, bien sûr. Nos amis de Radio Graffiti. Canal Myrtille qui nous a rejoint il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce que c'est que Canal Myrtille? RCM. Ah, ils nous ont... Non, c'est Radio Saint-Dié qui nous a rejoint. Ah, alors, il y a eu d'abord Canal Myrtille qui est reparti. Canal Myrtille, c'était RCN, ça veut dire Radio Canal Myrtille, maintenant bah, non, c'est Caribe. Oui, non, voilà, c'est Canal Myrtille, je crois que c'était avant, genre année 2019-2020, ah, peut-être, ça. Non. Parce ils ont moi, arrêté. J'étais pas là, mais il me semble que oui. Allez, on l'a refait, on l'a refait. Donc, les 6 radios. Faut jamais s'aventurer sur dire les noms des radios. Oui, Radio Saint-Dié, maintenant, effectivement. Juste des sigles, c'est bien. Oui, voilà, mais RCM et RCN, les deux se ressemblent aussi, c'est le problème. Mais il y a eu Canal Myrtille à un moment dans la boucle, et effectivement, ils n'en font plus partie. Ils ont été remplacés par Radio Saint-Dié il y a 2 ans, c'est ça. Et c'est, j'ai confondu les deux. Bah, il me semble hein, que, c'est effectivement, Radio Canal Myrtille, c'est ça. Je sais pas ce que je voulais dire. ils étaient à un moment donné, ouais. Effectivement. Et donc, c'est à peu près une vingtaine, presque parfois certaines années, une trentaine de bénévoles quand les Francas nous accompagnent sur effectivement 3 jours, 12 heures de direct avec les artistes et les petites mains derrière le festival aussi. Et puis, pour la petite anecdote, on se bat pour interviewer les artistes. Et on va encore se battre cette année. Non, mais de toute façon, moi je vous le dis, en fait, c'est des combats, ça sera des combats à mort maintenant, ok? Et celui qui en sort vainqueur, c'est lui qui interview. Moi, ça me paraît bien. Moi, j'ai un avantage, c'est que dès que c'est un artiste qui ne parle pas français, je suis automatiquement sur l'interview car je fais traducteur officiel. C'est ça vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est bah, Matmata, tout le monde voulait. On n'a pas eu le mot à dire. Je veux dire, Matmata. Moi, je trouve qu'il y a eu un moment de dictature où quelqu'un d'une radio, on dira pas laquelle, qui a dit « Non, moi je fais l'interview de Matmata ». Et nous, on était là. Mais non, on vote. Non. Donc voilà. Bon, ton futur directeur. Pour ne pas le citer. Mais bon. Mais nous, ne, voilà. Nous tairons le nom. Non, mais c'est drôle. Non, mais c'est bien. Enfin, je veux dire. Bon, moi, même si j'ai pas fait l'interview de Matmata, on animait quand même oui. pendant bah, que j'étais Matmata. De toute façon, t'aurais pas pu, t'étais toute chose. Ouais, voilà. Moi, je... Non, mais c'est génial parce que ça nous donne l'opportunité de rencontrer des artistes. Tout près, ouais. Voilà, moi, je... moi Matmata, j'ai grandi avec ça. J'écoute ça depuis que j'ai 5 ans. Être face à Tristan, là. Ça fait quelque chose, quoi. D'ailleurs, je veux dire, petite anecdote, on a pris une photo avec Tristan. Et donc, toute contente, on a pris une photo avec lui. Et je vois qu'elle l'a mise sur Facebook. Bah, qui c'est qui a été enlevé de la photo? Moi. Oui. Et en fait. Alors que j'avais posté et moi, je t'avais laissé. Parce qu'en fait, moi, j'ai coupé Élise et puis j'ai mis en légende moi et mon nouveau mec. Ouais, bon, et effectivement. Je voulais savoir si c'était crédible. Mais les gens, ils ont juste mis des bonhommes qui rigolent. Donc apparemment, c'était pas crédible. Ouais, et je crois, Élise, que t'as pas de chance avec les photos le jardin du Michel parce qu'on a fait il y a 2 ans, une photo avec Papa Roach, une photo de groupe. Ouais. Et je crois que tu es la seule personne qui est cachée par les autres. Et oui, merci Hervé que j'embrasse. De graffiti qui a décidé de faire un petit V de victoire juste devant mon visage. Alors qu'en plus, Papa Roach, j'avais passé un bon moment et en même temps, je peux dire qu'il y a une petite anecdote aussi là-dessus, c'est que je suis pourtant pas allergique normalement au foin ni rien, mais là, je sais pas ce que j'avais toute la journée, j'avais les yeux qui piquaient et j'avais vraiment beaucoup du mal à parler, un peu comme là. un peu comme maintenant. Ouais, là, je fais peut-être une attaque, je sais pas, mais non, j'avais beaucoup de mal à parler, mais je voulais faire l'interview en plus. Et à un moment donné, enfin, je le regardais en plus droit dans les yeux, donc le chanteur de Papa Roach, dont j'ai pas retenu le nom, et j'avais une larme qui coulait tellement que je me retenais de tousser parce que je me dis, je vais pas tousser dans le micro. Et lui, il a cru qu'elle était émue. Bah, ça se trouve, je me dis ça aussi. Et lui a fait un cœur avec demander, ses bras j'avais, comme ça. En plus, j'avais les yeux rouges et vraiment une larme qui coulait comme ça. Parce que je me dis, il faut pas que je touche, il faut pas que je tousse. Et il a fait, il était trop sympa parce qu'après, alors je sais plus avec qui je faisais l'interview, c'était une fille, mais je sais plus de quelle radio. Parce que ce qui est cool aussi dans la radio du Michel, c'est qu'on fait radios. Voilà, on mélange les radios, on fait toujours une interview avec une radio que un bénévole d'une autre radio pour mélanger les un rencontres, peu, voilà. Ouais, tout à fait. Et éviter qu'on fasse avec ses collègues. Voilà. Après, il y en a qui trichent, oui, puisque Élise est souvent avec une certaine Magali, bah oui, mais qui ne pas sont collègues. Pas de la même radio. Bah oui, on n'est pas de la même radio, donc ça colle. La règle est respectée, malheureusement. Mais donc, du coup, en plus, il était super sympa, il nous avait fait un petit câlin et tout. Il était génial, Et puis, moi, j'étais toute contente de prendre une photo, et puis Hervé... avec sa main. C'est compliqué. Je lui ai pardonné depuis, mais bon. Du coup, j'évite de mettre proche de lui pour les photos. Maintenant, tu te mets à l'opposé. Puis du coup, voilà, faut savoir qu'on commence déjà à se battre pour les futures interviews de cette année. On a fait des petites alliances. Des alliances. On s'est alliés contre le dictateur. Moi, si vous me laissez Polo and Pan, moi, derrière, allez, on peut s'arranger. Non, mais bon, ça va être une belle édition. Effectivement. Moi, j'aimerais qu'on revienne aussi sur l'édition, malheureusement, de l'année 2024. Oh non, quelle horreur. Bah, attends, elle va pleurer. Édition annulée. Ouais, on mais je trouve que... Il y a eu la radio du Michel, malgré tout, mais sur cette édition. Ça a fait du bien. Et c'est ça, on a quand même pu faire 2 heures d'émission. Et je trouvais que c'était un moment... Alors, ça va faire très cliché ce que je veux dire, mais un peu suspendu dans le temps. Mais c'était totalement un moment suspendu dans le temps. C'est ça. Oui. Et avec Allium, notamment, qui revient cette année. Je suis très heureux de voir qu'Allium revient cette année, artiste nancéenne, qui nous avait fait 2 morceaux en live. Et c'était vraiment super moment. En fait, on était tellement choqués tous de l'annulation que je pense qu'on était un peu dans la 4e dimension et qu'on était un peu en train de planer en fait, mais planer de chagrin pendant cette émission, c'était irréel en fait. On nous a dit, sans citer la personne, que c'était l'une de nos meilleures émissions. C'est bien. Quand on est triste, une petite bonne déprime la fin mai pour être dans les bonnes conditions. Non, mais c'est vrai que c'était quand même un moment assez unique et finalement, j'ai presque envie de dire un mal pour un bien, mais où on a vécu une vraie émotion aussi. Et... On a vécu une émotion tous ensemble. Ouais. Et qui a été une vraie force de la radio. Quoi. L'équipe du Jardin du Michel était vraiment... Elle m'en parlait encore, Marion, que... il nous remerciait quoi. Ouais, parce que franchement, on était restés, ça fait tellement bien aux bénévoles qui allaient vraiment mal à ce moment-là. Puis c'est vrai qu'on s'est tous, on s'est tous fait. Enfin, moi, je suis arrivée sur le site, j'ai fait des câlins à tout le monde en fait, parce que pense que tout le monde avait besoin de ce. Clairement. Enfin voilà, c'était beau quelque part, on était soudés dans notre chagrin. C'était un peu. Ouais, il y avait. Il y avait quand même une certaine beauté, je pense. Mmh. Ah, c'est un vrai, on vous un confirme vrai moment. Qu'il y avait vraiment de la boue jusqu'au genou. Rappelle-toi, t'as voulu essayer pour de avoir testé. T'as voulu aller dans une flaque, mais on jeans, t'a dit ouais, non, n'y va pas, sinon tu vas couler. Mon jeans n'a pas survécu, effectivement, à cette exploration. Et on espère que, du coup, pour cette année, tout se passera bien. Bah, au vu de la prog, moi, je suis confiant. J'espère. Ouais. Alors, moi, je trouve qu'au niveau prog, ils ont fait plus grandiose. Et il y a eu des années où la prog aurait été plus digne d'une 20e édition. Je pense notamment Alice Cooper, The Offspring, Sum 41. Pour moi, c'était plus des éditions plus grandioses, en tout cas en termes d'affiches. Après, bon, voilà, je veux dire, il y a aussi l'actu, les groupes qui tournent, et puis aussi le fait que les budgets des festivals sont de plus en plus serrés, qu'aujourd'hui, je ne sais même pas si un festival comme le JDM peut se payer un artiste comme Alice Cooper ou un groupe comme The Offspring. C'est très compliqué. C'est compliqué. Surtout que, bon, bah déjà, année 2024, l'annulation, certes, les assurances ont remboursé une partie, mais ça fait quand même des frais. Ouais, et puis depuis le Covid, c'est compliqué, il y a eu un manque à gagner. Le JDM a failli disparaître, déjà. Le JDM a failli disparaître. Après le Covid, ils ont fait une édition à 8000 festivaliers, ça a été une catastrophe. C'est ça, donc c'est compliqué. Et puis bah, les artistes, ils vendent plus de disques, tout leur coûte plus cher de faire des tournées, donc ils augmentent les cachets. Enfin, bref, c'est une conjoncture hyper compliquée pour les festivals. Mais bon, faut y aller. Enfin, si vous pouvez vous le permettre, en tout cas, faut y aller. Après, voilà, moi, je sais que c'est pas mon affiche préférée cette année, mais je vais quand même trouver mon bonheur. Je suis notamment trop contente de revoir Superbus, parce que ça, c'était vraiment le groupe de mes 15 ans. Kyo, j'ai jamais été une grande fan, mais je pense juste pour la nostalgie. Moi, c'est toute mon enfance, Kyo. Ça va être trop bien pour la nostalgie, quoi. Donc, ça va être trop cool. Et puis, de toute façon, au-delà de l'affiche, voilà, il y a des années où on est plus ou moins enthousiasmé par les artistes, mais c'est aussi l'ambiance quoi qui est, bah, en fait, qui est géniale. Le JDM, alors j'aime bien assister aux concerts, mais c'est vrai que j'aime y aller pour la radio du Michel. On est plus à la radio que devant les concerts, de toute façon. Je veux dire, on finit, il est 20h30, 21h. Voilà, le temps d'aller chercher un petit verre, un truc à manger. On rencontre aussi des nouveaux bénévoles, des gens qu'on n'avait jamais croisés. On passe les soirées avec eux et en fait, on rencontre plein de gens qui sont super. Et ça permet de voir aussi un peu toute la diversité qui compose les radios associatives parce qu'on est 6 radios associatives. Ouais. On ne va pas sur les scales érocités. Mais chacune aussi dans des genres assez différents. Et donc forcément, c'est des personnalités différentes qui composent ces radios. C'est aussi des façons de faire différentes. Et c'est intéressant de voir comment d'autres radios fonctionnent, font de la radio, font de l'animation, font des interviews. Et c'est toujours des moments d'échange qui sont super intéressants. Et puis, il y a une super transmission de savoir aussi. Exactement. Parce que dans les bénévoles, il y a des journalistes professionnels. Il y a des petits jeunes de 18-20 ans qui aimeraient bien devenir journalistes, qui voudraient faire des études là-dedans ou qui sont en train de faire des études là-dedans. Et c'est vrai que nous, on peut aussi leur dire, bah voilà, une interview, ça se construit comme ci, comme ça, demande telle ou telle question. C'est toujours hyper cool, je trouve, de pouvoir transmettre tes compétences à quelqu'un et qui te regarde un peu avec des yeux un peu émerveillé comme ça, et toi t'es là, non mais c'est bon, enfin je te dis juste de poser deux questions, enfin c'est pour toi, c'est pas grand chose, mais pour eux ils ont des journalistes professionnels face à eux qui voient en action c'est Madame Santulli quand même. Madame Janelle aussi. Hein. Non, mais voilà, je veux dire, toi aussi. Oui, j'allais dire, je suis un peu oublié dans l'histoire, mais j'ai compris. Je trouve ça cool de transmettre mes compétences. Ouais. Surtout que tu parles effectivement de petits jeunes, on s'inclut dans les vieux, c'est terrible. Mais, on est des anciens. Faut qu'on l'accepte. Mais pour certains, parfois, c'est même dans les premières interviews qu'ils vont faire radio. Et tu dis, tu vas voir tel artiste qui a une renommée nationale, voire internationale. T'as déjà ce stress-là. Ouais. Et en plus, première interview, etc., etc. C'est vrai qu'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, et souvent, on va essayer de coupler quelqu'un qui a un peu plus d'expérience avec quelqu'un qui en a un peu moins. C'est ça. Et c'est ce vrai côté transmission qui se ressent aussi, je pense, à l'antenne, parce qu'il y a une vraie chaleur aussi dans la radio du Michel. Et je pense que c'est pour ça qu'on aime bien l'affaire et qu'on aime bien nous écouter. Bah ouais, franchement, moi, j'ai trop hâte. Et puis bon, on va espérer qu'au niveau météo, on va croiser les doigts. Je compte planter ma tente, moi. Alors, est-ce qu'elle aura des trous et est-ce qu'elle prendra l'eau cette année? Normalement non, parce que moi, la mienne, normalement, on n'avait pas de trous. Hein, donc, parce que c'était celle de Flo, qui m'en avait passé une. Et ouais, elle était pas... Pour première expérience de camping, j'ai vu mieux. Mais après, bon, c'était l'ambiance de festival, quoi. Là, du coup, tu vas retenter le camping sur les 4 jours? Oui, je pense. Après, alors moi, je peux dormir chez Clip, c'est pas si loin. Vieille, moi, je dors plus en camping. Je sais en pas fait, si je tiendrai les 4 jours, mais j'aimerais bien au moins un ou deux jours, enfin, faire comme d'habitude normalement, pour être dans l'ambiance, dans l'ambiance, parce que en plus, bon, on est un petit peu privilégié parce qu'il y a un camping vraiment bénévole, donc on a un peu reculé. Si vraiment c'était dans le camping festivalier. 4 jours, non. Ah non, moi je peux. Même plus. Via 2-3 jours, ça fait 3 jours. Moi j'avais mon lit et ma douche du lendemain matin. Il y a 2 ans, je crois que le camping bénévole était pas si loin que ça de la scène. Ouais, oui. Mais c'était bien parce qu'après, une fois que les concerts étaient finis, c'était silence. Mais limite, on entendait les oiseaux quoi le matin. Donc c'était plutôt calme. Puis non, il est pour les douches, il y avait de l'eau chaude. Donc ça Voilà, rassuré. La dernière fois que j'ai dormi en camping en festoche, mon voisin faisait de la cornemuse à 3 heures du matin. Oui, voilà. Moi ça va, je suis du coup de principe de camping. De festoche, ça. Ouais, mais je suis trop vieille pour ces, bêtises. T'es j'aime mon confort, Je peux pas te contredire là-dessus, je te rejoins, effectivement. 2h39, est-ce qu'on n'écouterait pas quelque chose, ma chère Magali? Bah, si, Qu'est-ce que tu nous fais découvrir? Et si je vous emmenais à Metz? Ah, bah, c'est pas trop loin. J'ai le droit. Moi, ça me va. Ok. Bon, j'ai vécu un an à Metz, je vous avoue que j'y étais pas trop malheureuse. Même si, évidemment, Nancy va. Voilà. Bon, alors je vais vous proposer d'écouter Marie-Madeleine, donc groupe de Metz. Alors leur histoire, elle est un peu insolite. En fait, le groupe Marie-Madeleine, ils se sont formés en 2011. Leur univers musical, c'est entre la cold wave des années 80 et la musique électronique. C'est super chouette. Le groupe fait son petit bonhomme de chemin quelques années. Et puis, il y a quelques dissensions. Donc, d'un commun accord, bien cordialement, le groupe se sépare en 2017. Sans se douter qu'un de leurs titres allait refaire surface. Un titre qui avait été écrit 10 ans plus tôt. Ah ouais? Donc en 2022, donc cette chanson qui s'appelle Swimming Pool, donc qui avait été écrite 10 ans plus tôt, elle ressurgit sur le réseau social TikTok. D'accord. Et ouais. Donc je sais pas, j'ai pas réussi à trouver de vidéo où il y avait cette. Je sais pas sur quel type de vidéo cette chanson était utilisée. Sur quel trend? Mais voilà. Pour parler de trends. Qu'est-ce que c'est un trend? Je vois passer ça. Profiter de la musique pour t'expliquer. T'inquiète. Ah ok. Je vois passer ça des fois sur Instagram. J'ai jamais compris ce que c'était. Enfin bref. Donc Swimming Pool qui ressurgit sur le réseau social TikTok. Elle fait le buzz et figurez-vous qu'elle finit par dépasser les 30 millions d'écoutes sur Spotify. Pas mal. Et là, qui en profite pour se manifester? Le label Universal. Ah, carrément. Carrément. Donc, affaire à suivre. Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos. Mais en tout cas, Marie-Madeleine, ils se sont reformés parce que je les ai vus en concert il y a quelques mois. Donc en fait, je connaissais pas du tout, mais c'est à ce moment-là que j'ai appris l'histoire insolite de la chanson Swimming Pool. Et bah, c'était très chouette, j'ai passé un super bon moment. Donc je sais pas où ça va aller cette histoire. Probablement qu'ils vont enregistrer un album avec Universal. On leur souhaite, mais voilà. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous propose de les découvrir avec Swimming Pool. Make pool 2025, Fadjet à Nancy et en Lorraine depuis 40 ans. Vous êtes toujours à l'écoute de Fadjet, toujours pour ces 40 heures de direct. Septième heure, il me semble, que nous sommes actuellement en train de vivre. Absolument. Et 7 est mon chiffre porte-bonheur, il paraît. Donc j'espère que ça va nous porter chance. Ah, bah on l'espère. Jusque-là, ça va. Jusque-là, jusqu'ici, tout va bien. Bon, parfait. Pas trop endormi, parce qu'on commence à arriver dans les heures, on peut poser la question de ça va, pas trop fatigué. Ah bah alors moi, si vous me posez la question, je vous réponds, je suis éclatée, monsieur. Bah, disons que t'as des cernes qui sont plus grande que les 40 ans de Radio Fadjet. Oh là là, regardez pas la webcam. Alors, oui, voilà. Mais il y a un filtre, voilà, on a mis un filtre. Ah, merci, voilà, tu es glam, évidemment. Ah, merci, je glow. Bon, ma chère Élise, cette séquence, elle est pour toi. J'ai envie de te faire une petite dédicace. Si je te fais écouter ce son, dis-moi à quoi ça te fait penser. Silence, ça tourne. Et action. Jean-Luc. Alors. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Silence, ça tourne. Et oui, parle-nous un peu de Silence, ça tourne. Bah écoute, c'était une émission qu'on avait créée avec Laura, qu'on embrasse, qui est partie de Nancy maintenant depuis quelques temps, et bah, qu'on avait créée en 2020, il me semble. C'est pas moi qui vais te contredire j'ai sur les dates. Trou, bah je sais plus, c'était avant que j'arrive à Déclic. Non, bah oui, non, pas 2020, pas du tout. 2020, j'étais à RCF. Ah, je ne sais pas, je ne montrerai pas du tout. 2021, non, 2022. Pas, oui, 2020, c'était une belle année. C'était 2021, effectivement. Décembre 2021, notre première, même le 1er décembre 2021. Oh là là. Et d'ailleurs, pour la première, je n'avais plus de voix parce que j'étais malade. Du coup, c'était pas une top pour une première, mais. Décidément, soit t'es pas sur les photos, c'est soit ça, on t'entend pas parce que c'est terrible. Non mais en fait on a créé cette émission parce que bah, depuis le temps que j'étais à Fadjet, c'est vrai que j'avais jamais créé d'émission à moi et je sais plus si c'est Aurélie ou Yves ou même toi, je trouve plusieurs, en fait tout le monde de Fadjet m'a dit mais en fait pourquoi tu crées pas ton émission, je me suis dit ouais mais c'est vrai que toute seule, est-ce que je me sens de faire quelque chose toute seule comme ça, il faudrait que je fasse la technique et tout, alors je savais pas trop à l'époque et je me suis dit ah pourquoi pas effectivement, puis finalement c'était la service civique de l'époque, Flora, j'ai un bug sur le prénom qu'on entend en plus dans le générique, mais j'ai un doute sur le prénom, je suis très nulle pour retenir les prénoms. Je crois. Oui, pas grave. Que je suis nulle ou que c'était Flora. Je suis pas bref, plus fort que toi pour les prénoms. Bon, c'est pas grave. Du coup, bon, qu'on embrasse quand même. Oui, malgré de toute façon, elle dort à cette heure-ci, ne se vexera pas. Qui m'a dit, ah bah tiens, il y a Laura qui recherche aussi une émission. Je pense que vous aimez bien les séries et tout. Hein, donc pourquoi pas, parce que moi, je voulais faire une émission de série vu que j'aime beaucoup ça. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça. Et bah, franchement, on est devenus super amis ensuite. On a même fait des festivals ensemble, au Cabaret Vert par exemple, où je suis allée chez elle. Enfin, franchement, enfin, on s'est plus quittés jusqu'à ce qu'elle quitte Nancy, hélas. Elle reviendra, on continue de parler et tout. Parce que ça nous a vachement unis, cette émission qu'on a continué pendant 3 ans. On a fait 3 saisons, ouais. Malgré qu'elle soit à distance après, parce qu'elle avait déménagé. Mais on a continué à distance. Mais c'est vrai que pour elle, c'était plus pareil, parce que c'était plus dans le studio de Fadjet. C'était moins dans l'ambiance. Mais sinon, on a fait de belles émissions. Une petite anecdote où, tout à l'heure, tu parlais, Magali, de moments de gêne, enfin, de solitude. Bah, j'en avais vécu un beau avec Silence Saturne, où on était dans ce studio. D'habitude, on enregistrait plutôt dans l'autre, parce qu'il y a 2 studios à Fadjet. Et normalement, on enregistrait plutôt dans l'autre, qui était le studio vraiment dans où tu avais aucun risque d'être en direct. Sauf que. Vous me voyez venir, voilà. Sauf que là, on avait réservé le créneau, mais du coup, on nous avait mis dans celui de direct. Et bon, il faut savoir que normalement, je fais des directs à des clics, mais c'est pas forcément les mêmes. La même technique. La même technique, hein. C'est pas forcément la même table de mixage. Et du coup, eh ben, j'avais pas vu qu'on était en direct. Sachant qu'on fait toujours l'émission en enregistrement, on l'a fait dans les conditions du direct, donc on écoute quand même les musiques, tout ça. Il y a très peu de montage derrière, mais il y a des moments où on a dû se dire, attends, je reprends, parce que ça, c'était pas très bien, machin. Enfin, il y a des moments où ça se sentait que c'était pas normalement censé être en direct. Et je sais plus à quel moment, bah, ça doit être après quand on avait fini de faire l'émission, je redescends, puis il y a Jean-Luc qui dit, mais par contre, vous étiez en direct? Enfin, ou est-ce qu'on a fait toute l'émission? Oui, je crois qu'on a fait toute l'émission quand même, donc je me suis étonnée qu'il nous ait pas dit avant. Oui, ce qui est beau, c'est qu'il vous a laissé faire. Il s'est dit, c'est pas normal, mais dans le doute, je laisse faire. C'est ça, voilà. Donc, du coup, j'ai la flemme de monter un étage pour aller les voir. Ou alors, il s'est dit, c'est pas si mal, ça va encore. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il y avait une autre émission qui devait passer à ce moment-là, en fait. En fait, je crois qu'il écoutait pas forcément à ce moment-là et que c'est une personne qui devait avoir son émission, du coup, qui a appelé en disant, bah, c'est pas mon émission qui passe. Pourquoi c'est pas moi? Et du coup, j'étais super gênée, puis je me dis, mais alors attends, j'espère qu'on n'a pas dit de bêtises, parce que des fois on se tapait des fous rires à l'enregistrement qu'on coupait après, quoi. Voilà. Donc bon, les aléas, mais du coup depuis après j'ai demandé bien à Jean-Luc, s'il te plaît, mets-nous dans l'autre studio. Explique-nous comment ça fonctionne. C'est ça. Bah ouais. Ça peut te rassurer, ça nous est déjà tous arrivé, je pense, d'oublier. Ça m'arrive encore récemment. De couper un micro, de parler sur une musique, de ce genre de choses. Ouais, couper un micro, ouais, j'avoue, ça m'est déjà arrivé. Ah bah oui. Faut que je vous raconte. Allez, vas-y. Oh oui, raconte. Allez, petite anecdote. Mais attends, je finis. Élise finit de raconter ton histoire. On reviendra sur ça tourne après. Vas-y, raconte ton anecdote. Bon, bah, on a trop envie de savoir. Un coup, il y a quelques semaines. C'est récent en plus. Ouais, c'est récent, ouais. Je vais à l'antenne à RCF pendant la matinale pour faire la météo. Et en fait, là, pendant que je parlais, j'ai lâché un rot. Ah non. Mais ah non. Je me suis réécoutée. C'est un peu ma hantise, hein. C'est horrible. Et en fait, je me suis réécoutée. J'ai réécouté la pige antenne après. Si tu le sais pas, en fait, je crois que tu t'en rends pas compte. Ça passe, mais. Mais toi, en réécoutant, je me suis dit, mais ça s'entend de ouf et tout. Mais vraiment, genre, t'as un mot qui sort. Et il n'y a pas que le mot qui sort. Il n'y a pas que le mot qui sort, quoi. Ah là, la honte. Mais il y a aussi, quand t'as un chat dans la gorge, en fait, il faut que tu finisses ta phrase pour couper ton micro. Et après, tu tousses comme un cinglé. Je sais pas si ça vous arrive des fois, mais tout c'est horrible. Tout le temps, pendant les flash infos, c'est toujours le moment où tu peux pas. C'est horrible. Ouais. Bah là, le coup du micro, ça m'est arrivé. Hier, du coup. Ah oui, mais c'est vraiment très récent, hein, comme anecdote. Hein. C'était une stagiaire de 3e qui faisait son émission. Et juste après, en fait, je reprenais l'antenne pour annoncer le reportage qui suivait quelques minutes après. Du coup, j'ai improvisé un petit blabla pour présenter l'émission. Et du coup, après, je relance le direct. Et je dis, oh là, mon blabla n'était pas très bien improvisé, mais bon, je sais plus ce que je raconte. Et puis, du coup, après, elle me dit, enfin, elle, on l'entend pas trop, mais moi, mon micro était, comme j'étais juste devant, il n'était pas coupé. Puis, elle commence à me dire, alors, du coup, j'arrête l'enregistrement, je dis oui, du coup tu peux appuyer oui le carré là, effectivement, et j'entends mon téléphone qui sonne, puis surtout que je vois qu'en fait ça continue d'enregistrer, mais je me dis mais c'est pas censé, c'est la barrière qui enregistre là, c'est bizarre. Et du coup j'ai vu que bah on est encore en direct, je me dis oh mince, après en plus je parlais de blabla vite fait alors qu'en plus j'annonçais quand même un reportage sur la lutte contre le cancer, c'était un truc sérieux et tout, c'est et terrible, je me dis comme ça. Si j'avais fait un blabla vite fait parce que voilà, faut se débarrasser du sujet, quoi. Je me dis mince, j'espère que les auditeurs m'en voulaient pas, mais Ça peut arriver même mais au oui, meilleur, ça arrive dire. À tout le monde. Oui, oui. Non, mais même sur les grandes chaînes, hein, des fois. Oh, bah oui. Bah, sinon, comme tu parlais de bêtisier tout à l'heure, il n'y aurait pas ce genre de choses. Non, alors moi, ce que je déteste, tu sais, c'est quand t'as un invité qui parle et qui coupe pas le micro des intervieweurs. Et tu sais, t'entends le mec qui siffle par le nez, là. C'est insupportable. Ah oui, oui, non. Bah ça, malheureusement, des fois, t'en as dans les émissions bénévoles qu'on peut monter. Des fois, t'entends à la soufflerie du nez. Ouais, c'est couper vos micros. Ouais, bah, faut être réactif. Voilà, hein, des fois, on ne pense pas à couper les micros. C'est tricky. C'est tricky. Ouais, ouais. Non, mais c'est compliqué. Il faut penser à plein de trucs. Bah, oui, t'as des boutons partout. T'as une petite anecdote là-dessus, en entraînant en forme ou un menu étudiant Écoute, moi, ça va encore. Comme je l'ai dit une fois. En toute modestie. Après un 13 en forme, j'avais oublié de couper un micro. Effectivement, je parlais un peu pendant la musique. Mais on a des gens qui sont très réactifs à Fadjet, qui viennent tout de suite dire. T'as oublié de couper le micro. Jean-Luc. Des oreilles. Il s'appelle Jean-Luc. Ouais, souvent c'est... Yves, moi, qui vient à mon secours, heureusement. Bah, son bureau est plus proche que celui de Jean-Luc, donc il est plus rapide à monter, effectivement. Mais non, ça va. Souvent, tu débriefes comme toi, c'est-à-dire que tu dis, oulala, non, mais mon intro était nulle, voilà, des trucs comme ça. J'étais naze. C'est ça. C'est jamais rien de bien méchant, mais ça fait des petites anecdotes. Et je trouve que c'est comme ça qu'on apprend aussi. En se trompant, qu'on se dit « Ah, bah, je ferai gaffe la prochaine fois. » C'est en se trompant qu'on apprend. C'est en se trompant qu'on apprend, effectivement. Et voilà, alors, j'allais lancer un peu la séquence où on allait parler de séries, mais dans 3 minutes, je vais devoir couper cette fameuse séquence. Ouais, moi, ça fera plus de 3 minutes, là. Hein. C'est un peu le problème, malheureusement. Donc, je pense qu'on va attendre le top horaire. On parlera de séries après. C'est vrai que, du coup, pour revenir un petit peu, quand même, sur Destination Série, sur les émissions qu'on crée à Fadjet et sur les liens que ça crée, c'est vrai que la radio, on le disait, c'est... faire ces émissions, mais c'est aussi des rencontres, des temps forts, c'est aussi la vie de la radio en dehors des émissions. Et je pense que vous en êtes un bon exemple aussi toutes les deux, qui est que finalement, vous n'êtes pas rencontrés à Fadjet, puisque vous êtes rencontrés à RCF, si je ne dis pas de bêtises. T'as bien suivi tout à l'heure. T'as bien suivi. J'ai bien suivi. Ouais, mais finalement, il y a ce petit lien quand même, Fadjet, qui fait qu'aujourd'hui, vous retrouvez. Oui, et puis on s'est un peu retrouvés finalement. Moi, je me suis retrouvée à RCF grâce à Fabienne. Donc il y a quand même toujours un petit lien, quoi. Et à l'époque, Fabienne m'avait dit le poste de journaliste à RCF, j'en ai aussi parlé à Élise Janel. Et j'étais là, mais qui c'est Élise Janel? Oui, bah, on aurait pu se croiser dans les couloirs de Fadjet, mais je connais pas. Et finalement. Et je vais pas voulu le poste, parce que j'ai pas postulé, en fait. Je sortais d'études limite, alors du coup, je me sentais pas encore. Mais justement, j'ai fait un service civique. Et je suis arrivée juste le lendemain où elle a pris son poste, donc sinon on n'aurait pas pu se rencontrer au final, en fait, oui, j'avais pas été fait le service civique là-bas, on serait peut-être rencontrés ailleurs. En radio du Michel, Radio du Michel, tu y vas pour des clics, et la Fadjet, ouais. Et Mac, ouais, toi, mais pareil, pour... Radio du Michel, moi j'y suis allée parce que je couvrais le journal, je couvrais le festival en tant que journaliste. Élise était à la radio, je suis passée faire un coucou, et là, il y a Thomas Cario qui me tombe dessus. Oh, Magali, oh, bah, ça fait longtemps. Oh, bah, qu'est-ce que tu deviens? Mais viens à la radio du Michel l'année prochaine. Oublié pour le NJP. Oui, tout à fait. Mais nous ne parlerons pas de ce souvenir. Sujet qui fâche, tu régleras ça avec lui la semaine prochaine, bien sûr. Évidemment. 2h59, on se rapproche des 3h du matin. Petit teasing peut-être de ce que vous nous avez préparé. Je crois que tu as encore des musiques à nous faire découvrir avec des artistes plus ou moins locaux. Donc. Alors, j'ai encore un artiste local à vous faire écouter. C'est mes chouchous d'amour de la scène nancéienne. Vraiment, je dirais pas que je suis une groupie parce que les groupies, elles aiment les musiciens juste parce qu'ils sont beaux. Moi, j'aime les musiciens parce qu'ils sont beaux et parce qu'ils font de la bonne musique. Je n'aurais qu'une chose à dire. Matmata. Ça pourrait être mon père. J'adore leur musique, c'est la Madeleine de Proust. Bon, donc il y aura de la musique, il y aura des séries, puisque voilà, on l'a teasé avec Destination. Ah, normalement, oui. Non, Destination Série, c'est une autre émission. C'est une autre émission. J'y ai participé aussi, si tu peux rattraper ton truc. Benoît nous rejoindra d'ailleurs tout à l'heure, c'est pour ça. J'anticipe l'arrivée de Benoît. Ah, bah voilà. En attendant, il est 3h du matin. Fadjet. 40 ans, 40 heures de live. Happy birthday. Fadjet, c'est en FM sur 94.2, en DAB+, et sur Internet. Notre marathon se poursuit, il est 3h. C'est la 8e heure de direct. C'est quoi ton souvenir le plus marquant ? C'est le rendez-vous avec toi aujourd'hui. C'est parce que c'est à chaque fois l'inouï du dernier moment qu'on peut vivre. Je veux dire, c'est le moment présent, le plus marquant. Mais c'est pas simplement avec Fadjet dans ma vie, c'est de vivre le moment présent. Ma toute première matinale. Alors déjà, c'était très très très tôt. Et en plus, comme je ne voulais pas être en retard, je me suis levée à l'aube, vraiment à l'aube. Je suis arrivée très tôt et j'ai attendu un petit bout de temps devant les locaux parce que j'étais très en avance pour le coup. Mon souvenir le plus marquant reste très certainement les rares fois où j'ai été faire des interviews, parce que je suis pas interview du tout, je n'aime pas ça. Je suis bien entre quatre murs d'un studio avec mon micro, je suis content. Et j'ai fait, en 23 ans de radio, j'ai fait 4 interviews musicales. Je me souviens du stress que ça peut être de préparer et surtout de rencontrer les personnes. J'ai fait les 4, Michel Thor, Herbert Léonard, Dave et Charlie Couture. J'ai fait que ça. Et à chaque fois, ça a été une grosse peur et ensuite une grosse satisfaction. Joyeux anniversaire, mais à ce moment-là, je me donne un peu un joyeux anniversaire et il se trouve que j'ai pris 40 ans déjà depuis la fondation de Fadjet avec plein d'autres. Alors ça ne me rajeunit pas, mais je suis très content parce que je vais souvent en Afrique. Et en Afrique, les vieux, c'est vachement bien. Fadjet, les bonnes ondes en CN. On entame cette 8e heure. On a déjà fait 20% de ce marathon de 40 heures, 40 ans de Fadjet. Vous venez de l'entendre, le père Guy Lescane, un des fondateurs de Radio Fadjet. C'est pour ça qu'il disait qu'il avait pris 40 ans avec la radio, puisqu'il était là à ses tout débuts. Avant même la fondation de la radio, il était déjà présent, évidemment. Donc c'est un peu grâce à lui qu'on est là aussi aujourd'hui. 40 heures d'émission, 40 heures pour revenir un peu sur l'histoire de Fadjet. Et on a parlé juste avant la pause, une émission qui, du coup, j'ai envie de dire, est une émission marquante, bien sûr, de l'antenne. La plus marquante. une émission qui parle donc de séries et de cinéma. Ouais, on est très original. Voilà. Vous en avez peut-être encore 50 d'émissions comme ça. Mais... Oh, je dirais pas que le 13 en forme en fait partie, mais oui, voilà, on en est pas loin quand même. C'est souvent un peu geek, hein, le 13 en forme. Oui, pop culture. Moi, je dis, c'est une émission de pop culture. C'est pour ça que j'y reviens d'ailleurs. Et oui, puisque tu es avec nous les jeudis. J'essaye, ouais, de temps en temps. Certains jeudis, on est toujours heureux de te recevoir. Mais donc, parlons un petit peu, pour ne pas être original, de séries. Et on a choisi de parler de séries vraiment très récentes, actuelles, vraiment. Personne n'a vu en plus. Que personne n'a vu. Tu veux commencer, ma chérie ? Eh ben allez, allons-y. Ben, allez, honneur à plonger un peu à la maîtresse de maison. Hein. C'est ton domaine maison, d'expertise. Ouais. Effectivement. Alors ouais, on va replonger dans une série culte des années 2000 que je suis seulement en train de regarder au final et je vais vous laisser deviner avec la virgule de Silence ça tourne. C'est vraiment une émission très culte. C'est quand on animait donc avec Laura, vous allez reconnaître la musique. Silence ça tourne sur Fadjet et Radio Déclic. 45 minutes d'actu sur le cinéma et les séries. C'est Jean-Luc. J'y ai pensé en plus. Fiona. C'était Fiona, le prénom Fiona, pas voilà, Flora, c'est pardon. Revenu. C'est Fiona, oui, qu'on entend aussi également et que on remercie parce que c'est grâce à elle aussi que ça s'est fondé. Silence ça tourne. Et donc c'était la chanson Desperate Housewives. C'est vrai que tu me parles tellement bien anglais. C'est pour ça que c'est moi qui fais les traductions. De, du coup, je vais le dire, sinon c'était comme beauté désespérée en québécois. Ah, pas mal. Parce que tu sais, le Québec, à chaque fois, ils mettent toujours les traductions. Voilà. Donc maintenant, c'est Desperate Housewives. Les femmes au foyer désespérées, si on devait littéralement traduire. Bah oui, effectivement. Donc voilà, une série qui date pas d'hier, effectivement. Ah là, que de souvenirs, hein. En fait, non, j'en ai aucun, parce que du coup, je l'avais... Oui, toi, tu découvres maintenant. Je ne l'avais jamais vu, hein, mais... Non, oui, oui, je n'avais jamais vu cette série, mais je me rappelle que ma sœur, ma grande sœur, elle était vraiment accro à l'époque à cette série, et je me suis dit, bon, c'est vrai que je la regarderai un jour, et puis le temps a passé, et finalement, je comprends pourquoi. Alors, est-ce qu'autour de la table, vous l'avez vu ? Je crois que j'ai tout regardé. Non, j'aurais même pas reconnu le générique si on n'en avait pas parlé avant. Oups. Donc voilà, bah, je vais justement te donner peut-être envie, j'espère, de, de la regarder. Et toi, du coup, Valentin, tu l'as bien aimé. Binge-watché. Moi, je la regardais à l'époque où elle était diffusée sur M6, donc on va dire avec un an de décalage aux États-Unis. Et je me souviens que je regardais ça avec ma maman. Voilà, c'était notre série qu'on se partageait, effectivement. Et j'en garde un plutôt bon souvenir de cette série. C'est marrant, mais c'est un truc en mode, tu sais, les trucs spéciaux pour la ménagère de plus de 50 ans. C'est un peu ça comme genre de série. Bah merci, j'ai pas 50 ans. Non, mais en fait, c'est parce que ton choix de série apparemment. Oui, peut-être. Non, mais j'aime bien les dramas en fait. Moi, j'aime beaucoup. Ah bah, en fait, des fois, ça fait un peu de télénovela quand même, avec des enfants cachés ou des mariages, puis les divorces dans trois épisodes, et puis après on se remarie, et puis, puis après, finalement il y a une tornade, et puis après il y a des coups de feu parce qu'on est aux États-Unis de toute façon. Les armes, il y en a partout. Voilà, il y a quelqu'un qui écrase une personne en voiture. Enfin bref, c'est du drama. Ça a l'air trop bien. Je regarde demain. Et ben voilà. En même temps, ça commence. Non, je rigole pour l'instant. Vous m'avez pas donné envie, mais oui, ça commence par du drama. Alors effectivement, du coup, attends, je me reprends dans mes notes. Oui, parce qu'on t'a totalement perdu. Je sais plus où j'en suis. Alors voilà, cette série m'a donné en plus envie d'acheter une maison en banlieue et de me mettre à la cuisine, alors que je sais pas cuisiner. Ça se voit que t'as pas regardé encore toute la série. Après, à la fin de la série, t'auras plus envie, je pense. Oui, bon, après, c'est juste parce que, enfin, je sais pas, t'as envie de faire partie de ce voisinage un petit peu, parce qu'en fait, il se passe plein de trucs. Puis en plus, à chaque saison, il y a un nouveau voisin. Tu peux être sûr qu'il a commis un meurtre ou qu'il a enfermé quelqu'un dans une cave, ou alors que, enfin, il y a plein de trucs, quoi. Franchement, tu. Du coup, il a fait les deux en même temps, souvent. Et puis forcément, il est beau, non? C'est que des gens beaux dans ce genre de série. Non, ça dépend, mais effectivement, oui. Il y a, par exemple, Mike qui a un petit passé dramatique. Ah ouais. Mike Delfino, donc l'acteur dont je n'ai pas noté le nom, mais qui avait fait un petit passage à Danse avec les Stars de l'année dernière. Bref, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais donc, les petites anecdotes. C'est ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc comme toi, Mag, oui, dites-moi, voilà, vendez-moi du rêve. Je vais essayer. Nous suivons donc le quotidien mouvementé de quatre femmes bien différentes: Suzanne, Lynette, Brie et Gabrielle. Elles vivent à Wisteria Lane, une banlieue chic de Fairview aux États-Unis. C'est vraiment le stéréotype des quartiers résidentiels de classe aisée américaine. Belle baraque fleurie avec grand jardin, et tous les voisins se connaissent et pratiquement s'aiment bien ou pas, ils racontent des ragots sur les uns les autres. Donc la série commence avec le suicide, c'est pas très joyeux, avec le suicide de la narratrice de l'histoire, ce qui était plutôt original d'ailleurs pour l'époque, puisqu'en fait elle va continuer à commenter tout au long de la série. C'est son fantôme qui reste dans le voisinage. Et c'est ça. Bah, son fantôme devient le narrateur de la série, effectivement. Ouais, tout au long, avec un petit peu d'humour et tout. Donc, c'est vraiment sympa. Et on commence donc cette série avec son suicide, donc à Marie-Alice Young. C'est une amie de nos héroïnes que j'ai citée tout à l'heure. Et en fait, le mystère autour de cet acte nous occupe toute la saison 1. Les amis de Marie-Alice commencent à suspecter le mari. Vous verrez aussi que le fils est assez louche aussi. Et plus on avance dans les épisodes, et plus on a des révélations. Bien sûr, on a aussi des histoires de cœur avec des couples qui divorcent, des tromperies à tout va. C'est vrai que tu peux te dire, bon, l'amour dure pas toujours hein, là-bas. Mais bon, ça se remarie, voilà, ça se redivorce, etc. Dès on est ensemble, 10 épisodes plus tard, bah, on ne l'est plus. Voilà, c'est très mouvementé côté sentimental. En tout, il y a 8 saisons, donc il y a de quoi faire avec 108 épisodes de 42 minutes. Ça paraît beaucoup comme ça, mais je te jure, ça passe très vite. Ah ouais, je suis déjà à la saison 5, j'ai commencé il y a pourtant pas si longtemps. Hein. Ça devient très vite addictif, hein, ce genre de série. C'est surtout ça, ouais. Là, c'est les vacances bientôt, profitez-en. Tu parles pour toi ? Voilà, ben non, je ne serai pas en vacances. Ah, dommage. Donc, pour terminer, je voudrais quand même brosser un rapide portrait de nos quatre héroïnes. Bien sûr. Même si j'ai envie de dire 5, parce que, tu vois, j'ai envie de rajouter aussi la voisine Eddie. Parce qu'au final, on la voit quand même beaucoup. Hein. Peut-être un de mes personnages préférés de la série. Ah ouais, ah. Je l'aime beaucoup, Eddie. Il aime bien les blondes un peu méchantes. Mais en fait, justement, c'est parce qu'elle est plus complexe que ça. Effectivement. Mais on va pas trop spoiler. Bah non, parce qu'après, sinon, ça va vous enlever le plaisir. Mais c'est vrai qu'effectivement, enfin, moi, je l'aurais limite rajouté dedans, en fait. Pour moi, il y en aurait limite 5. Oui, elle est... Et en plus, plus les saisons avancent, plus elle devient centrale aussi. Bah, elle prend de l'importance. Saison 1, c'est vraiment un personnage secondaire. Et plus t'avances, plus elle devient principale. Tout à fait. Et donc, sinon, nous avons Lynette, la mère de 4 enfants, qui, avant d'être une mère au foyer débordé, eh bien, travaillait dans la publicité. Et elle aime fortement son mari, mais n'aurait pas voulu avoir autant d'enfants, et surtout son travail lui manque. Nous avons aussi Brie, la femme au foyer parfaite, à la famille en apparence parfaite, qui cuisine des repas à vous donner tellement envie, vous qui êtes assis sur votre canapé avec votre assiette de pâtes, pas cuite. Et nature. Voilà, évidemment. Puisqu'on ne vit pas dans une banlieue chic. Bah non, on n'a pas de sous, en fait. Voilà, c'est ça. Brie est un peu autoritaire, très propre sur elle, mais... Redis-moi ce « un peu autoritaire ah, », légèrement. Ouais. Très, très, légèrement. Très propre sur elle, mais elle a aussi un très grand cœur mis bien à mal dans toutes ses saisons, en tout cas, j'ai l'impression. Oui. Troisième bout de femme que vous découvrirez dans cette série, c'est Gabrielle, l'ancienne mannequin qui ne souhaite pas avoir d'enfant et profite de sa vie de femme au foyer pour aller faire du shopping ou se faire les ongles. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que j'ai envie d'être Gabrielle. Bah voilà. Bah, en plus incarnée par Eva Longoria. Oui, excusez du peu. Oui. Bah on pourrait dire que ouais, leurs vies sont idéales hein, quand même. Puis, c'est vrai qu'elles ont l'air de voir des profils tellement différents, mais elles sont vraiment bien amies. Elle a du caractère en plus, Gabrielle, un peu comme Magali finalement. Et un mari qui a beaucoup d'oseille. Ah oui, mais c'est ce que je recherche. Ah mais... bah tu vois, voilà, tu es une Gabrielle. Il y a un peu des histoires de prison aussi dans l'eau. Ah, c'est un bad boy. Regarde peut-être la série avant vouloir être Gabrielle. Ouais. Bon, après, Carlos, il est pas mal en plus. Oui, et puis, elle a pas que Carlos. Oui, c'est voilà, des amants oui. qui sont sympas. Bon, voilà. Oui, bah, il y a quelques histoires de tromperie. Mais bon, bah, oui. Voilà. Donc, je disais, je vais dire après qu'elle était un peu. Elle peut paraître superficielle, pas comme Magali. Mais elle a aussi un grand cœur et va vous émouvoir, vous le verrez. Et enfin, celle qui est dite la plus détestée de Desperate Housewives, c'est Suzanne. Quoi ? Mais oui, c'est le personnage le plus détesté. Oh là là. J'ai pas voulu lire les articles parce que je voulais pas me spoiler, mais j'ai vu ça aussi et je le savais un petit peu d'avance parce que je savais que Suzanne n'était pas... Tu l'aimes bien, toi ? Ça va encore. Bah écoute, visiblement, c'est la moins aimée. Parce que Mike. Bah oui, voilà, j'ai envie de te dire, on est un peu tous Suzanne, finalement. Oui, voilà. On est un peu comme elle, on est parfois fleur bleue, aussi maladroit, indécis comme elle. Très maladroite, la vache. Ouais, très très maladroite. Hein. Suzanne s'occupe comme de sa fille aussi depuis son divorce, c'est plus même des fois sa fille qui s'occupe d'elle, j'ai envie de dire. Elle est dessinatrice de livres pour enfants, et petite particularité, elle ne sait absolument pas cuisiner. C'est pour ça que je me retrouve en Suzanne, ah, des fois. Ah, bah voilà, elle aussi, elle fait des pâtes nature pas cuites. Voilà, bah oui, ou alors elles sont trop cuite, je crois aussi. Oui, aussi, oui. Mais quand Mike Delfino, un plombier au passé ténébreux, arrive dans le quartier, une histoire d'amour très mouvementée aussi va commencer entre lui et Suzanne. Et alors, au final, est-ce que vous vous sentez plus Suzanne, Gabrielle, Linette ou Brie ? Ou un peu de toutes les quatre ? Ou Eddie, pour toi ? Mais en fait, c'est un peu compliqué parce qu'elles ont toutes leurs qualités, leurs défauts, et forcément, il y a du bon dans chacune, il y a du moins bon dans chacune aussi. Je sais pas dans laquelle je me retrouve le plus, mais je sais que celle qui m'a fait le plus rire, je pense, c'est Gabrielle de très très loin. Ah, oui. Elle est vraiment très très drôle. Elle est excellente. Ouais, bah, je suis définitivement Gabrielle. Ouais, voilà, voilà. Je pense que je veux pas d'enfant, je cherche un mari riche et je suis particulièrement drôle et avec beaucoup de caractère. Moi, je crois que... Moi, je sais pas. Je pense que je vais dire Linette parce qu'elle a ce côté où... Elle est persévérante, elle se laisse pas abattre, elle essaie toujours de voir le positif dans toutes les situations, même quand c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et parce que là, je pense que c'est peut-être le personnage qu'en chie le plus dans cette série, Linette. Bah, légèrement, ouais. Et elle abandonne jamais, elle reste toujours très optimiste et elle est très, enfin, vraiment très forte d'esprit. De toute façon, tous les personnages sont attachants dans cette série. Bah, c'est ça, oui. C'est la force de cette série. Ils ont tous fait, ils ont tous leur côté attachant quand même. Tout à fait. Et donc, toi, Suzanne, du coup En fait, je dis Linette, pareil que tout ce que t'as dit, enfin, je me retrouve un peu dedans aussi. Et tu veux avoir quatre enfants, dont trois triplés. Bah, visiblement, ouais, mais elle en voulait pas trop non plus. Hein. Non, bah, c'est vrai que. Ses enfants, c'est des triplés, elle les a par accident, puisque de base, elle voulait en avoir qu'un, elle en a eu trois d'un coup. Donc pas de bol. Mais sinon, effectivement, oui, des fois, je suis un peu Suzanne et je me dis, mince, ça va pas ça. Ouais, je crois qu'on est tous un peu Suzanne à un moment. Oui, effectivement. J'aimerais bien être un peu plus comme Brie, côté cuisine notamment. Vu tout ce qu'elle prépare, je me dis, la vache, mais c'est. Le seul côté de Brie, à la limite, parce que le reste. Ouais, le reste, oui. C'est très torturé, Brie, hein, quand même. Oui, bah après, tu vois, un petit côté alcoolique qu'on a un peu, je crois, autour de la table, en fait. Ben, on est tous un peu Brie, finalement. Tu te sens pas visé ? Tu voulais pas parler d'un sujet de brasserie ? Ouais, j'avoue, parce que j'ai encore un sujet autour de l'alcool après. Ouais, c'est ça, oui, voilà. Juste pour terminer, je vais quand même vous dire, vous pouvez la regarder, la série. Oui, dis-nous. Vous pouvez la regarder sur Prime Video et Disney+. Ok. Tu peux la regarder du coup. Ah, c'est bon, je me suis abonné à Disney+. Voilà. Merveilleux. Tu m'avais mis le générique, non ? Non, j'avais mis une musique. Si c'est la première musique qu'on entend, malheureusement, j'ai pas retenu le titre. Alors, c'est God Bless the American avec Housewives. Voilà. Tout simplement, on en écoute un extrait. Mm. coffee cup. I bend to get the paper. Every neighbor's trying to check me out. Look at me, I'm lovely as I wave beside my minivan. Look at how my diamonds seem to sparkle on the garbage can. God bless the American. Donc, God Bless the American avec Housewife coupé au couteau par la production. Là. Ah, dis donc, on n'avait pas le temps. Bon, un petit jingle quand même avant de reprendre. Les bonnes ondes de Fadjet depuis 1985. Et je vais me permettre de mettre un deuxième jingle parce que c'est un jingle qui date des années 90. On voyage un petit peu. Les jingles de Fadjet, il y a 35 ans, c'était ça. Fadjet, garantie. 100% radio. Et on est bien heureux. Oh, quelle horreur. Que ça ait changé. Ça ne veut pas dire grand chose. 100% radio, bah, heureusement. 100% radio. Reprenons donc. Quel était le slogan là derrière? Oui, écoute, je ne sais pas. Aujourd'hui, on n'est pas que 100% radio. Hein, on parle aussi, voilà, comment dire, radio. Oui, Fadjet, c'est plus qu'une radio. Finalement, le slogan a évolué naturellement. Restons un petit peu dans les séries, ma chère Mag. C'est toi qui as une reco à nous faire, je crois. Eh oui. Et c'est aussi sur Disney+. Oh, ça justement, je re-regarde cette série parce que je me suis inscrite à Disney+. Et en fait, donc c'est une série que je regarde actuellement pour la troisième ou la quatrième fois. Voilà, j'adore cette série. On peut parler d'un coup de cœur. C'est ouais, je pense. Ouais, ouais, pour moi, c'est une des meilleures séries. C'est la série Sons of Anarchy. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Jamais regardé. Oh là là, moi, je ne peux que vous la recommander, hein, forcément. Sinon, je ne vous en parlerai pas ce soir. En fait, c'est une série qui retrace la vie d'un club de motards hors la loi. Et en fait, ils opèrent dans la ville de Charming en Californie, tu vois. Donc, c'est boum boum sur les routes californiennes. Bon, ok, c'est une série assez violente. Ça se bat, ça s'entretue pas mal. Mais pour autant, j'adore cette série. Les acteurs, ils sont super. Je trouve que le casting est au top. Les personnages, justement, on s'attache aux personnages. C'est des persos qui sont hyper complexes. En fait, il n'y a pas d'un côté les gentils, les méchants. Enfin, voilà, c'est bien plus complexe que ça. Alors, si vous aimez l'univers des bikers, des tatouages, de la bière, on parle beaucoup de bière, hein, c'est ça. Oui, il y a une thématique récurrente entre nos chroniques. Hein, c'est terrible. Voilà, c'est une série qui vous plaira. Il y a aussi des personnages féminin très fort et ça j'aime bien aussi. Il y a 7 saisons mais pareil je trouve qu'on voit pas les 7 saisons passer, là je crois que je suis de nouveau à la 5, je la redévore. Et surtout ce que j'apprécie dans cette série, c'est une série qui a une vraie fin. Voilà, à la fin de la saison 7, dernier épisode, il se passe un truc, vous vous dites, bon, c'est bon, on va pas encore nous répondre des séries, des machins, des suites. Il y a une vraie fin, donc ça, c'est cool. Et en fait, ce que j'aime aussi beaucoup dans cette série, c'est la bande-son. C'est beaucoup de rock, de blues, de folk. Et je trouve que les musiques, enfin, c'est vraiment hyper bien choisi. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime, en tout cas. Et j'ai découvert plein d'artistes en regardant cette série. Et notamment un que je vous propose qu'on écoute tout de suite, Valentin, dis-moi. Si tu es prêt, c'est Richard Thompson. Ouais, je le cherche tout voilà. de suite. Et voilà, donc j'aime beaucoup son registre musical. Je l'ai découvert grâce à la série Sons of Anarchy. Et voilà, donc ça va vous donner un peu une idée de l'ambiance musicale de la série. Là, c'est le titre Dad's Gonna Kill Me. Tout à fait, ben, on écoute ça tout de suite. Out in the desert, there's a soldier lying dead. Vultures pecking the eyes out of his head. Another day that could have been me there instead. Nobody loves me here. Nobody loves me here. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. a booby trap and you're in pieces. With every bullet your risk increases. Old Alibaba, he's a different species. Nobody loves me here, nobody loves me here. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. Kid, another on the way. I might get home if I can live through today. Before I came out here, I never used to pray. Nobody loves me here. Nobody loves me. And Dad's gonna kill me. Well, Dad's in a bad mood. Dad's got the blues. It's someone else's mess that I didn't choose. At least we're winning on that Fox Evening News. Nobody loves me here. Nobody loves me. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. That stranger walking in my dreams. Who's that stranger cast a shadow across my heart? Who's that stranger? I dare speak his name. Must be old death a walking. Must be old death a walking. Dad's gonna kill me. Seven muzzle monkeys standing in a row. Standing waiting for that sandbox to blow. Sitting targets in the Wild West show. Nobody loves me here. Nobody loves me. Dad's gonna kill me. Dad's gonna kill me. Depuis 1985, c'est plus une radio. Fadjet. Un espace original d'expression et de dialogue à Nancy, au 47 rue Charles III. 23h25, je crois que c'est la première fois que je fais un direct aussi tard à la radio. Je pense aussi, ouais. Ou aussitôt, ça dépend. Ouais, de, pas, de... dépend ouais. Mais comme moi, je vais en nuit blanche là jusqu'à 7h du mat, c'est aussi tard pour moi, voilà, je le dis. Ça va toujours autour de la table. Élise Magali, vous allez toujours bien? Bah, écoute, je ne cache pas que j'ai quand même hâte d'être au lit, mais bon, ça fait officiellement lit, plus de 24 heures et que ça, je suis debout. Bravo. Bravo pour Fadjet. On tient. On apprécie le sacrifice. Ouais. Merci. Bon, je crois que c'est à moi de vous recommander une petite série. Bah oui. Alors, je vous ai demandé en off si vous préfériez une série policière ou un sitcom. Vous avez choisi le sitcom. Tout à fait. J'ai donc entendu vos réclamations et je veux parler d'une série... policière. Exactement. Non, un sitcom, évidemment, mais que vous ne connaissez peut-être pas forcément. C'est pas le plus connu, mais moi, c'est un de mes sitcoms préférés ever. Ça s'appelle Superstore. Est-ce que connaissez? Ah, ouais. Oh, incroyable. Ah, ouais, c'est pas très connu. Attends, on connaît. Bah, on est des spécialistes. Oui, on regarde peut-être trop de séries, en fait. Laissez-moi vous parler quand même un peu de Superstore. Est-ce que vous avez regardé ou vous connaissez juste de nom? J'ai regardé, ouais. J'avais vraiment bien aimé. C'est très drôle. Alors, moi, j'ai adoré jusqu'à ce que... Ouais, mais je vais spoiler... deux personnages principaux qui se mettent en couple. Ouais. Et bah, à partir de ce moment-là, ça a cassé toute la dynamique de la série, j'ai arrêté de regarder. Je suis d'accord là-dessus. Ouais. On va parler effectivement de Superstore, une série de 6 saisons, 113 épisodes en tout, des épisodes de 22 minutes. C'est donc deux fois plus rapide à regarder que Desperate Housewives, même s'il y a autant d'épisodes. Voilà. C'est un sitcom qui se passe dans un univers assez particulier, qui est très américain, puisqu'on est dans l'équivalent d'un Walmart, donc dans l'idée, l'équivalent d'un super magasin. On est dans l'équivalent des hypermarchés français, voilà, c'est les très très grands magasins où on trouve absolument tout et n'importe quoi. Je pense qu'on peut résumer. Surtout n'importe quoi. Surtout n'importe quoi, effectivement. Et on y suit donc, j'allais dire, les aventures de ces employés qui se retrouvent à bosser dans ce magasin. Pas forcément par choix, pas toujours par envie, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont pas toujours très doués pour ce qu'ils font aussi. Superstore, c'est donc avant tout des employés pas toujours très efficaces, dans des situations pas toujours très crédibles non plus, mais qui nous font toujours bien marrer, évidemment. Alors, plus particulièrement, on y suit un personnage en particulier, qui est, si je ne dis pas de bêtises, Jonah Smith, qui est donc le personnage principal. Lui, il a de l'ambition, il sort d'une grande école, il décide de travailler là le temps de rebondir un petit peu, parce qu'en ce moment, dans sa vie, ça va pas très bien. Et puis finalement, on va se rendre compte quand même qu'au fur et à mesure des épisodes, ça l'arrange bien quand même de travailler là, et que finalement, il a pas tant d'ambition que ça, contrairement à ce qu'il essaye de nous faire croire. Ouais. Il va y rencontrer Amy Dubanovski, interprétée par America Ferrara, et je reviendrai sur cette actrice juste après, parce que pour moi, c'est l'un des gros points forts de cette série. J'adore cette actrice. Et on en reparlera juste après. Et il va y faire la connaissance d'énormément d'employés. Par exemple, Glenn, qui est le patron qui se fait marcher par tous les employés. Victime, quoi. Ouais, c'est vraiment la grosse victime. Aussi. Dina, qui est assistante du manager et qui est un petit problème avec l'autorité. Hein. Le pouvoir lui monte à la tête. Cheyenne, qui, si elle pouvait ne rien faire de sa vie, ne ferait rien de sa vie, évidemment. Et tout un tas d'autres personnages qui vont graviter et qui vont, au fur et à mesure de la série, prendre de plus en plus d'importance, bien évidemment. Et je rajouterai aussi le personnage de Garrett McNeil, qui est un personnage en fauteuil roulant, et c'est déjà assez rare de souligner qu'un personnage en situation de handicap est représenté à l'écran, et en plus il est interprété par Carlton Dunn, qui l'interprète à merveille et qui est absolument hilarant dans ce personnage, qui est le seul, j'ai l'impression, qui est un peu réaliste dans cette situation quand même, et qui est un peu la seule tête pensante de ce groupe. C'est vrai. Et c'est extrêmement drôle. Mais c'est surtout une série extrêmement satirique sur le système américain. Ouais. Parce que, avant d'être un sitcom, les sitcoms, c'est souvent un genre qui critique la société américaine et Superstore ne fait pas exception à la règle. La chaîne fictive de magasins s'appelle Cloud 9, Nuage 9, et on y voit au fur et à mesure des saisons toutes les dérives de la société américaine qui y prennent place, les managers qui sont dans les gratte-ciels à Manhattan et qui ne prennent pas en compte les avis des employés, qui prennent des décisions absurdes. Et on le voit, ce magasin qui évolue de manière de plus en plus absurde, qui fait de moins en moins sens, et ses employés qui essayent d'y survivre malgré tout. Et puis, effectivement, les relations aussi qui se nouent entre les différents personnages. Certains personnages, comme justement Dina, qui au début de la série nous est présentée comme un personnage absolument détestable, avec un problème pour l'autorité, s'adoucit au fur et à mesure des saisons. Et on se prend même finalement au jeu de bien l'apprécier et d'avoir un peu de la peine pour elle sur certains épisodes, où quand même elle a pas trop de bol non plus, la pauvre. Et puis, effectivement, au fur et à mesure des saisons, eh bien... C'est vrai que ça s'est un petit peu dégradé en qualité, tu le disais, ouais. Effectivement, Magali. Ouais, c'est dommage, parce que je trouvais que c'était du hyper original, le exactement. Scénario. Exactement. Et ouais, j'ai une explication à pourquoi ça s'est dégradé. En réalité, la série fait donc 6 saisons. Elle devait en faire 8 au total, ouais. Et se terminer à 8 saisons. Mais la boîte de prod derrière a décidé que 8, c'était trop, et donc ont décidé de réduire à 6 saisons, ce qui a un petit peu obligé les scénaristes à fusionner un petit peu de saison par saison, ce qui les obligeait à prendre un vrai virage et du coup à faire des choix scénaristiques qui n'étaient pas ceux qu'ils avaient décidés à la base. Ouais, je ne suis pas convaincue de cette explication. C'est par exemple le cas avec America Ferrara, l'actrice donc, qui joue Amy, qui est le deuxième personnage principal, ouais. Après Jonah, et qui en réalité après la saison 5 disparaît purement et simplement par une facilité scénaristique de « Oh, elle a gagné en grade, elle est envoyée à New York ». Et malheureusement, la série perd clairement en qualité avec le départ d'une de ses deux actrices principales, et qui est déjà un départ qui signe aussi, on sent des problèmes de production derrière cette série. Malgré tout, je vous la recommande au moins sur les 3 premières saisons. Ouais, ça se regarde bien. Parce c'est extrêmement drôle, ça dénonce un système américain. Et j'ai une petite pensée pour une actrice, alors je n'ai plus son nom et je m'en excuse, qui joue tout simplement la petite vieille, j'ai envie de dire, vous m'excuserez, mais qui est une petite mamie. Qui n'a clairement rien à faire là, mais qui est obligée de travailler parce qu'elle n'a pas de retraite. Et c'est le personnage, je pense, qui dénonce le plus ce système un peu de américain, du monde du travail et comment il broie ses employés. Le personnage, je spoil, meurt un moment dans la série. Et pour autant, il reste quand même dans la série. Ça, je vous spoilerai pas comment, mais pour montrer à quel point, même dans la mort, ses employés de ce magasin qui perd toute humanité au fur et à mesure des saisons... arrive quand même à broyer ses employés même après la mort. Donc c'est très satirique et c'est très drôle. Et il y a vraiment des épisodes qui sont légendaires, des épisodes qui sont très drôles, je pense. Un épisode autour d'Halloween où tous les personnages se déguisent et il y a vraiment des moments très très drôles et très très cocasses. Allez découvrir cette série malgré tout. Vous serez peut-être un peu déçus sur la fin. Malgré tout, je pense que vous passerez quand même un très très bon moment, au moins sur les premières saisons. Et je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir ce genre de sitcom qui est pas le plus connu en France malgré tout, Superstore. Et qui se passe dans un univers jumelé, j'ai découvert ça, avec deux autres séries, par exemple la série Good Girls, qui se passe un peu dans le même univers, puisque la chaîne de magasins Cloud 9 existe aussi dans cette, dans cette série. C'était pas The Office aussi, non, non. Laisse-moi revérifier rapidement que je dise pas de bêtises. Je sais j'ai un doute, je sais que The Office, il y a eu un parallèle avec une autre série, mais... je crois que c'était le nom de l'entreprise de The Office qui était repris dans une autre série. C'est pas impossible. Mais aussi. Ça, il me semblait qu'il y avait peut-être un lien avec celle-là, mais je dois me tromper. J'essaie de retrouver. J'essaie de c'est The Mindy Project. Ah, voilà. Ouais, donc, The Mindy Project ça, et Good Girls. Voilà, mais bien que ça se passe dans le même univers, les séries ne sont pas liées. Et voilà, il n'y a pas de. Y a pas de voilà. Et juste pour revenir sur America Ferrara, qui est une actrice que j'adore, c'est notamment l'actrice de Betty dans Ugly Betty. Pour vous la resituer. Ouais, oui, c'est et c'est aussi une actrice qui a joué dans Barbie et qui fait. Ah oui, tout à fait. L'humaine. Oui, c'est vrai. Qui fait la mère de famille dans Barbie. Et du coup, moi, j'ai redécouvert cette actrice grâce à Superstore. C'est une très bonne actrice. Et je prends plaisir à la voir à l'écran. Et du coup, j'étais très heureux de la voir dans le film Barbie. Et j'attends avec impatience sa prochaine production où on la verra parce que c'est une actrice que j'aime énormément grâce à Superstore, notamment parce que son personnage est génial dans Superstore, comme la plupart des personnages d'ailleurs. J'adore Glenn. Ouais, c'est, il est très drôle. Il est grave, ah oui. j'adore. Il est génial, Glenn, effectivement. Ma chère Magali, dernière pause musicale pour ce soir. Tu nous proposes qui ? Alors, je vous propose mes chouchous. Mais ils le savent, chaque fois que je les vois, je leur dis. C'est mes chouchous de la scène nancéenne. Je les ai découverts en 2024 ou fin 2023, début 2024, enfin, je ne sais plus. Ça a été le coup de foudre. Ah, c'est leur... beau l'amour. Oh là là. Je les ai vus plusieurs fois en concert. J'ai eu l'occasion de les inviter aussi dans Talent d'ici. J'étais trop reviens contente. On revient tout le temps à Talent d'ici. Hein. Mais je suis à fond, en fait. Et je vous parle du trio nancéen Rumble. Donc, après quelques années en stand-by, le micro, le trio, pardon. A repris le micro. Alors, perd ses moyens. Toute chose, ah bah oui, bien chose sûr, de voilà. parler alors, oui, d'eux, vous de savoir qu'on va les écouter. Je rappelle qu'il y a 10 minutes, elle nous a dit « Moi, je ne suis pas une groupie. » Oui, c'est ça. Bon, j'avoue. Non, mais en vrai, pour le coup, j'adore leur musique. Donc en fait, Rumble, c'est un trio, guitare, contrebasse, batterie. Ils font des reprises, ils font des compositions. Et en fait, c'est un mélange pareil de tout ce que j'aime. Rockabilly, country, garage, surf rock. Ils sont très influencés par la musique des années 50. Mais voilà, il y a aussi des influences plus modernes. Et en 2025, ça reste vraiment... Enfin, ça prend pas une ride, je trouve. Il y a deux albums que je trouve excellents tous les deux. J'ai eu du mal à choisir un titre parce que vraiment, tu les aimes trop. Mais oui. Comment choisir ? C'est dur. Non, mais vraiment, je suis une grosse, grosse fan. Et vraiment, pour moi, coup de cœur musical en 2024. Voilà. Pour moi, en ce moment, sur la scène d'enseigne, il n'y a pas mieux que Rumble. Et donc, bon, j'ai quand même choisi un titre. Il a fallu. Elle est bien. C'est Satan and I. Et on l'écoute tout de suite pour les 40 heures de Fadjet. Satan and I, we get along fine. Down the bottom, while he makes a crime. Well, I just can't remember what I did last night. Some evilish thoughts, hockey's in my mind. When the yellow moon's arising, and I always leave the place. I'm calling sleazy mornings, oh no. Love me crawling at your feet, and I couldn't explain what I did. But still, we get along, Satan and I. Taste and a doubtless it implies when he sticks at my heart. We're shooting for the prince who thought he was stronger and smarter than the king's son. Love me, crawling at your feet, and I couldn't explain what I did. But still, we get along, Satan and I. Rumble avec Satan and I. Vous avez kiffé. C'est très cool. Hein. Ah ouais. Mais j'aime bien aussi ce genre de musique, effectivement. Fadjet, 40 ans de musique. 1985. 2025. Fadjet a 40 ans. Et ça, c'est beau, évidemment. On est Olivier, toujours avec vous pour cette 8e heure de direct, 3h40, il nous reste une vingtaine de minutes en compagnie d'Élise et Magali, parce que moi je suis avec vous jusqu'à 7h du matin, voilà, je suis encore là pendant 3 bonnes heures, mais la relève arrive pour vous, mesdemoiselles, vous allez enfin pouvoir vous reposer après ces 48 heures sans sommeil hein, du côté de Magali qui tente de battre un record mondial. Ça se voit comme ça sur mon visage. Non, disons que si quelqu'un te croise dans la rue, il change de trottoir, mais... J'avoue. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Pour terminer, j'ai envie que tu nous parles un peu, j'allais dire musique, reportage, anecdote, ça mélange un peu tout ça finalement. Et une fois n'est pas coutume, je pense qu'il y a un alignement planétaire ce soir. On va encore parler de bière. Non. Voilà, c'est vraiment le thème. Mais croyez pas qu'on est obsédé par ce thème, hein. Je veux dire, bon. Ben oui. Non, mais voilà, parce que je cherche un peu comment alimenter ces deux heures à l'antenne. Donc j'avais envie de vous parler d'un lieu que j'aime beaucoup. Puis je me suis dit, vu que la bière nous rassemble, et si je vous parlais d'une brasserie? Voilà. Donc je me suis dit, tiens, je vais vous parler de la Fabrique des Gros à Maxéville. C'est une brasserie artisanale. Alors, vous connaissez peut-être, on les voit souvent en festoche ou dans les bars du coin. La Fabrique des Gros, elle a ouvert ses portes en 2018. Et on reconnaît bien ses bières parce qu'elles portent toutes des jeux de mots, la grognasse, la grognon. Toujours en base de gros, les jeux de mots. La grolandaise, je sais plus. On adore, c'est génial. Voilà, en tout cas, pour la petite anecdote, quand je vous ai dit qu'une fois j'avais bu de la bière avant c'était de faire de l'interview, une fois je suis allée faire la matinale, en fait j'étais encore alcoolisée de la veille, et en fait je vous explique le contexte. Je prends rendez-vous un jeudi à la brasserie des Gros, 11h, on se donne rendez-vous à 11h du matin, on se dit, comme ça on se boit le café, une petite bière. Le café. Voilà. Elle a quand même dit le café, une petite bière. Hein. On l'a pas trop entendu. Le café avant l'interview, la petite bière après l'interview. Pendant l'interview, après l'interview. Faut être sérieux. 11h du matin, moi, je veux dire, à midi, j'avais prévu d'aller à la piscine, et puis l'après-midi, de vaquer à mes occupations diverses. Spoiler, tu n'as pas été à la piscine. Elle a pas vaqué. J'ai pas vaqué à mes occupations diverses. Je suis repartie de la brasserie à 20h30. J'ai goûté toutes les bières 15 fois. Je suis repartie. Pour être sûre que t'aimais bien, quoi. Ah ouais, je suis repartie. Pour être sûre de savoir. Moi, je parlais bien, je connaissais les produits. C'est ce qu'on appelle du journalisme d'investigation. Ah bah là, c'est du journalisme de terrain. J'ai testé. Voilà. Donc autant vous dire, je suis repartie dans un état. Fallait que je me relève à 3h le lendemain matin pour aller faire la matinale. Autant vous dire que quand je suis allée faire la matinale, j'avais encore de la bière de la Fabrique des Gros dans les veines. Hein, voilà. mais en tout cas, j'ai eu un superbe échange avec Rémi Schlein, dit Rems, donc qui est à la tête de la Fabrique des Gros, et je vous propose déjà qu'on l'écoute dans un premier temps. Il va nous présenter la gamme de bières. On a trois gammes de bières essentiellement. On a une gamme principale qui est faite toute l'année avec cinq références. On a la Niasse, qui est une blonde à 4,5% d'alcool. On a une Maxéville, qui va bientôt d'ailleurs changer, puisqu'on est en train de voir pour un tout nouveau packaging. Donc celle-là s'appellera la Lager Max. Et en fait, on est sur une Lager, en fait, basse fermentation à 4,2% d'alcool, avec un houblon allemand et un houblon tchèque. On a la Grognon, qui est une triple ambrée, à 9,2. On a la Landaise, qui est une bière pale ale avec du piment d'Espelette et du poivre de Sichuan. On a l'IPA, qui porte bien son nom, hein, qui est une India pale ale, donc avec des houblons essentiellement aromatiques, pas trop d'amertume. Ça note plutôt pamplemousse, fou de la passion. On a une gamme éphémère qui s'appelle la gamme Grosso Modo. Donc là, on retrouve soit des collabs, soit des envies perso, en fait, de faire des bières différentes. Et on a une troisième gamme qui s'appelle la Barrique Agro, qui est une gamme où la bière est élevée en barrique, en bois, dans lequel il y a déjà eu d'autres alcools. Donc là, par exemple, on a une qui a été faite. Là, c'est une bière de type saison qui a été vieillie dans les tonneaux de Moscatel, qui est un porto, ce qui s'appelle le porto du pot, en fait. C'est un muscat portugais. Bon, on le rappelle quand même, hein, l'alcool est à consommer avec modération. Oui, rappelle-le. On l'a pas beaucoup dit, j'avoue. Oui, c'est vrai. On le rappelle. Faut dire une ou deux fois de temps en temps quand même. Bon, alors voilà, une fois que c'est fait, j'ai demandé à Rems, qu'est-ce qui fait la force de tes bières ? On met beaucoup d'amour dedans. C'est très compliqué comme question, ça répond d'un bloc. Mais en fait, sur une gamme principale, on surfe entre les bières, on dira, très geek, très spéciales, avec beaucoup de goût, mais ça veut rien dire. Par exemple, si on prend nos copains de chez Piggy Brewing ou chez Hoppy Road, en fait, c'est des bières que des fois, quand elles sont houblonnées, ils y vont sérieusement et tout. Si on prend des bières des copains de la Chouette, et eux, c'est plus traditionnel, en fait, dans le produit. Nous, on est plus entre les deux. Généralement, on surfe on fait des bières longues qui sont vraiment accessibles à tout le monde, mais qui restent quand même un peu houblonnées, quand même, qui sortent un peu du lot. Et la particularité de la Fabrique des Gros, en fait, c'est une brasserie qui est dans un esprit très punk. D'ailleurs, t'arrives, rêve si t'accueilles avec sa crête et tout, c'est trop bien. Et la brasserie, en fait, c'est aussi un lieu culturel. Il y a beaucoup de concerts qui y sont organisés tout au long de l'année et justement, beaucoup de rock, de punk. On écoute Rem ça, ce sujet. Oui, alors effectivement, on a mis en place justement pour pouvoir faire un peu de dynamique ici. Généralement, tous les vendredis, il y a des concerts, majoritairement en fait, sont gratuits à l'entrée justement pour que les gens puissent tous y avoir accès, hein, des plus riches aux plus pauvres. Donc là, c'est toute l'année. On a toujours Victor qui assure toujours du plat et en plus, pour les personnes effectivement qui ont des régimes plutôt végétariens, en fait, on fait attention justement chaque coup qu'il y a bien du standard et du végétarien. De temps en temps, on en fait aussi les mercredis, de temps en temps les samedis. Voilà, donc je vous invite à aller découvrir la Fabrique des Gros. Le lieu, il est super chouette parce que c'est sur les anciennes brasseries de Maxéville. Ah. Donc c'est resté voilà, un peu à l'état de friche. Alors il y a des assos, des petites entreprises qui investissent les lieux. Mais voilà, il y a encore cette ancienne structure. Et vous serez super bien accueillis par l'équipe de la Fabrique des Gros. Les bières sont bonnes, je peux vous le dire, hein, vu que je les ai toutes goûtées hier soir. Est-ce que tu te souviens ? Je ne me souviens pas de tout. Mais voilà, puis pour les concerts, aussi. Bah, l'autre fois, on était au karaoké de Jean-David Harmony. Enfin voilà, c'est vraiment un lieu qui vit. Je trouve ça trop cool. Ouais. Les brasseries artisanales, moi je trouve ça super chouette. En fait, c'est toujours des gens hyper passionnés qui font ça. Et puis c'est cool voilà, de consommer de la bière qui a été faite. Dans la brasserie à côté de chez toi. Avec modération. Toujours, voilà. Oui. Hein. Voilà. Non, mais voilà, c'est bien aussi d'encourager les petits brasseurs de proximité. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'aller découvrir la Fabrique des Gros si vous ne connaissiez pas. Consommer local. Voilà, tout à fait. Exactement. Et en parlant de local, je vais faire une petite transition toute trouvée. On a parlé de concerts. Et justement, si vous voulez aider aussi, eh bien, il y a un petit pub local, un petit pub rock. N'hésitez pas à aller à leur soirée. Je parle bien sûr du pub rock chez Paulette. Vous y avez déjà été, je pense. Oui, évidemment. Et je pense que nos auditeurs aussi, vous connaissez forcément le pub rock qui a été repris par une association tout récemment. Et justement, ils essayent de proposer des soirées, des fois un peu thématiques. Et là, justement, pour le 14 février, que vous soyez sans meuf ou sans mec, ou avec votre meuf ou votre mec, ou les deux, je ne sais pas. Faites ce que vous voulez. Voilà. Eh bien, vous pouvez venir à cette soirée spéciale Saint-Valentin. Ça sera d'ailleurs ta fête, Valentin, j'y pense maintenant. Comme ça. Youpi, joie. C'est 5€ en pré-vente, 8€ sur place. Et donc, vous aurez du concert rock'n'roll. Il y aura des slow, évidemment, parce que c'est Saint-Valentin. La musique alternative aussi. Des fois, on découvre des trucs chez Paulette. Hein. C'est vachement drôle. Donc, ça sera une très longue nuit qui vous est proposée avec une ouverture qui commence à 22h. Donc, si vous avez un petit resto avant, vous pouvez y aller. Et le lendemain, ils enchaînent directement. Alors là, je pense qu'il faut voir s'il y a encore des places. Mais je pense que oui, parce que c'est toujours une cover party qui se remplit assez vite avec des imitations des groupes System of a Down, Pantera et Rage Against the Machine. Donc c'est à chaque fois des groupes qui reprennent ce type de groupe. Donc n'était pas. Ouais, tout à l'heure il est presque 4h du matin, pardon. Voilà, merci. Donc t'as Bomb Tracks qui, c'est pas moi qui parle anglais hein, d'habitude. Bomb Tracks, voilà, qui sont quatre potes qui sont fans de Rage Against the Machine. Et c'est pas facile à dire à cette heure-là quand t'as trop de salive. T'as Sons of, non pas Anarchy, mais Of a Down. Alors voilà, qui reprennent System of a Down. Et pour le dernier groupe qui est un tribute band de Pantera, c'est Skulls from Hell, qui ressemble à 4 guerriers de l'enfer. C'est marqué. Ça va déménager. Rock, metal. Voilà, c'est ça. Si vous avez bien secoué vos cheveux, du coup, vous pouvez le faire à partir de 20h le 15 février. C'est 15€ en pré-vente et 22€ sur place. N'hésitez pas à aller faire vivre le pub rock chez Paulette. Et on embrasse Paulette, la où elle est. La où elle est. Bien sûr. Je me souviens de cette interview que nous avions fait tous les deux de Paulette pour ses 100 ans. C'était un peu dur, la pauvre, mais... Bon, disons qu'on a répété chaque fois la même question et on n'a jamais eu la réponse à cette question, mais... Mais on a eu un fameux, un peu, sa phrase typique qu'elle disait pour faire partir les gens, « Allez les cocos, c'est parti », ou un truc comme ça, j'ai plus là comme ça. Mais on l'a gardé le petit bout pour des clics. Sachant qu'on a essayé pendant, je pense, 5 minutes de lui faire dire cette phrase. C'était un moment, dur. On a eu un espoir, on a fait « Ah oui !» On s'est dit « C'est bon, elle va dire la phrase. » Et elle nous a dit Oh, bah, je prenais mon balai et puis je commençais à chasser ceux qui restaient. On était en... Non, pas ce genre d'anecdote. Pas c'était très drôle quand même. Ouais, c'était un super moment, effectivement. Bah oui, pour ses 100 ans. Exactement. Grosse pensée, effectivement, à Paulette. 3h50, il nous reste 10 minutes avant le prochain créneau. Et ça va être l'heure parfaite, je crois, pour faire un petit quiz juste après ce petit jingle. 1985-2025, Fadjet à Nancy et en Lorraine depuis 40 ans. Car oui, depuis 2h du matin, vous l'attendez, le fameux quiz. On l'a annoncé même avant. Il a été teasé. Oui, voilà. C'est pas vraiment un quiz, j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper. Excusez-moi, j'ai eu la grippe toute la semaine. Elle était à la brasse des gros. J'ai pas trop anticipé. Non mais voilà, en fait, j'avais envie de faire une petite chronique sous forme de quiz où c'était les anecdotes pour briller en société. Par exemple, quand tu dis à ton voisin de table, tu sais, t'en repas, puis tu lui dis... Exacosiovie, exéconte, exaphobie. Oui, bien sûr. Voilà. Et là, ton voisin, il va te dire quoi ? Et là, tu lui dis, bah quoi ? Tu connais pas la phobie du nombre 666 ? Exacosiovie, exéconte, exaphobie. Je le savais. En voilà. Plus, c'est le genre de petite anecdote que j'aime bien. Tu sais, t'as l'air intelligent, même si tu l'es pas vraiment. C'est un peu le savoir inutile et le savoir nul, ça. Mais c'est qu'on ça. Adore mais avoir. Mais c'est cool parce que la personne, il y a peu de chances qu'elle le sache. Et puis, du coup, c'est je te le confirme. Je savais pas. Donc voilà, alors je voulais vous trouver un peu des anecdotes comme ça pour briller en société. Alors là, j'ai trouvé un site un petit peu à l'arrache où je vais récupérer quelques anecdotes que j'ai trouvées un petit peu à l'arrache. La légende raconte qu'elle n'a pas encore dessoulé de ses 15 bières en dégustation. C'était il y a un mois, mais il y a encore de l'alcool dans le sang, je crois. Bon, alors, première question. Enfin, de toute façon, c'est même pas vraiment des questions. Est-ce que vous pouvez me dire ce que veulent dire les lettres du terme SOS ? Ouh ! Secours dedans, peut-être ? Non, même pas, il y a deux S, il n'y a même pas secours. Non. Ah, ça aurait pu. Je ne sais pas, je donne ma langue au chat. Eh bien, ça ne veut rien dire. Incroyable. Réalité, SOS est l'interprétation en code morse du signal de détresse et de demande d'assistance immédiate qui a été signé à la Convention de Berlin le 3 novembre 1906. Et en fait, il est constitué de 3 points. 3 traits et 3 points, car c'était facilement transmissible et reconnaissable, même par un amateur et en présence d'interférences. Voilà, c'est ce que ma source me dit. Les lettres SOS ont été choisies parmi d'autres correspondances possibles parce qu'elles ont été jugées comme plus intuitives. Je savais que ça venait du code Morse. Du code Morse, mais je pensais qu'il y avait vraiment une signification derrière ces lettres. Mais non. Non, il n'y a rien. Déception. Un peu. Le saviez-vous ? Le métro parisien, jusqu'en 1991, il avait une spécificité pour les voyageurs. À votre avis, qu'est-ce que c'était ? Ça n'existe plus aujourd'hui. En 91 ? 91. Année de naissance de moi. Ah, c'est vieux. Mais du coup, j'ai pas eu le temps d'en profiter parce que... Bah non, du coup. Voilà, c'était jusqu'en 91. Il y avait une spécificité pour certains voyageurs, à votre avis. Ah, pour certains voyageurs, en plus, pas tous. Ouais. Il y avait une première et une seconde classe ? Tout à fait. Il y avait une première classe. Incroyable. Ils étaient réservés aux passagers qui avaient des billets première classe. Alors, à l'époque, ça coûtait 49 francs pour un carnet de 10 tickets première classe. Et si vous étiez dans la classe avec les gueux, c'était 32 francs. Oh là là. Voilà. On serait sûrement avec les gueux, je pense. Les plus fortunés, ils fumaient paisiblement la pipe, pendant qu'à l'arrière, on s'empilait les uns sur les autres comme des gueux. Et maintenant, on s'empile tous comme des gueux. C'est ça. Et il y a encore des gens qui fument la pipe. Ouais, mais il y en a qui s'en battent les steaks. Et oui. Bon, vous voulez encore une autre T'as tellement travaillé dessus longtemps. On sent que tu es tout votre avis, vous avez vu, ça a quand même une forme de quiz. C'est beau, c'est beau, c'est beau. À votre avis, d'où vient la choucroute ? Ça vient d'Allemagne. D'Alsace ? D'Allemagne, non ? Non, du Japon ! Ah, pas loin. Hein oh, c'est asiatique. Ça vient de Chine. Quoi mais oui, ils mangent voilà. Un chou, effectivement. On oui. Pense que ça vient d'Alsace et en oui. Fait. Ma vie bah n'est non. Que mensonge. Tromperie. Ça, mais oui, ça et tout. Et j'étais ça là, mais non. Être... C'est alsacien, voyons. Non, alors en fait, selon les historiens, la choucroute a été rapportée de Chine par Attila et les Huns. Voilà, bah, ils ont quelque chose finalement. Lors comme de quoi, leur pas conquête fait que du vers l'ouest, quand ils ont traversé la Bavière et l'Autriche. Eh ben, ils l'auraient découvert en approchant la grande muraille de Chine. Apparemment, les ouvriers, ils étaient nourris avec de la choucroute. C'est bah, pas facile à faire, en fait. Ils leur envoyaient du chou assis pour construire comme ça. La muraille de Chine. Non, pas les morceaux de lard fumé. Bah, la choucroute a de fortes capacités nutritives, hein, ah bah tu oui. Me diras. Donc, ah bah, t'as mangé pour trois jours. Ah, ça, c'est clair. Hein, oui, pour construire la muraille, c'était pas mal. Bon, allez, allez une petite dernière pour la route. Bien sûr, fais-nous plaisir. OK. Alors, attendez. Ah oui, ça, c'est fort. Vous voyez le logo quand vous allez au bureau de tabac, vous voyez le logo du tabac, c'est oui. Une vous voyez, vous visualisez dans oui, votre oui, tête. Oui, ça va. Oui. Et un peu fatigué là mais jusque là j'essaie de visualiser, oui. Et ben cette forme là rouge. Oui. Vous savez que ça représente quelque chose en réalité? C'est un losange. Ouais. Alors, bah oui, du coup techniquement c'est un losange, mais à votre avis ça représente quoi? Ça représente quelque chose, il y a quelque chose derrière. Je crois que je l'ai su à un moment et j'ai oublié. Il n'y avait pas un T dedans, mais du coup je crois pas du tout. Bah il y a marqué tabac oui, dans tabac, ce losange, ouais. Mais pourquoi c'est un losange? Ça représente quelque chose. Une marque peut-être. Vous me dites quand vous en avez marre. Je vous donne la réponse. J'essaie de réfléchir. Est-ce que ça n'a pas de rapport avec les calissons d'Aix en Provence? Non, mais ça c'est a un rapport peu la même avec forme, un truc qui se mange. Ah bon ouais. Un carré de chocolat, mais non, c'est traviole. Est-ce que c'est en rapport avec le tabac à chiquer peut-être? Ah, non. Ça aurait pu, ouais. Bah écoute, je donne ma langue au chat. Donc, encore une fois. Et bah en fait, ça représente une carotte. Oh! Voilà. Alors ouais, elle est bizarre ta carotte. Alors l'origine, ça vient du fait qu'à l'époque, le tabac était vendu sous forme de larges feuilles enroulées les unes aux autres. Et en fait, ça rappelait la forme d'une carotte. D'accord. Parce qu'on devait le râper avant de le chiquer et de le fumer. Terrible. Donc dorénavant, je pense que vous ne verrez plus jamais le logo du bureau de tabac. On n'en voit plus beaucoup quand même ce genre de logo. Un peu disparu. Ouais. Bah si, sur le tabac, je pense que... Il y en a encore quelques-uns. Bah, je pense, ouais. Tu sais, c'est comme le notaire, tu sais, c'est toujours la même enseigne, ouais, c'est comme ta pharmacie, c'est toujours ta croix. Pour moi, le tabac, enfin voilà, c'est fou, non? C'est drôle. Voilà. C'est fou. Donc voilà, votre prochain repas de famille, vous pouvez dire, tu sais ce que représente. Et donc, sans tricher, la peur du chiffre 666? Exacosioi, exéconte, exaphobie. Je ne l'aurais pas là-dessus. Alors, moi, quand les gens, que je suis en soirée, que je dis non, je ne suis pas bourré, et ben pour que les gens, ils me croient, je leur dis... Exacosioi, exéconta, exaphobie. Tant que j'arrive à dire ça, c'est que ça va. À partir de combien de bières de la brasserie de Gros, tu n'arrives plus à le dire? J'ai pas tenté en repartant un pas. Tant que t'arrives à le dire, tu continuais de boire des... Ça, du coup... Jusqu'à 20h30. Jusqu'à 20h30. 15 voilà. Bières, j'y arrivais toujours. C'est terrible. Ils se sont dit, bon, on va la mettre dehors, parce que sinon, elle est encore là pendant le mois. Eh bien, merci en tout cas pour ce savoir inutile qui, je trouve... Conclu parfaitement, j'ai envie de dire, c'est 2 heures ouais. Ensemble, c'est passé bien trop vite. C'est pas... Mais oui, c'est trop allez, bien. On reste jusqu'à 7 heures. Venez, on reste jusqu'à 7 heures. Bah alors, avec grand plaisir, ils vont nous rejoindre dans quelques instants en studio parce qu'ils sont fous également. Valentin et Morgane du Bizcast qui ont fait déjà 2 heures et qui reviennent faire quelques heures avec nous. Hakim va nous rejoindre dans quelques instants aussi. Il y aura aussi Corentin, Lise et Damien qui vont nous parler de science. Ça fait du bon monde à venir dans le studio de Fadjet. On se rapproche tout doucement du début de la 9e heure. Oh, déjà, et 9e ouais. Sur 40. Allez, ouais. C'est pas mal, on ça s'approche. Bientôt arrivé au quart. Pour conclure, on va aller manger des carottes. Moi aussi, ça va être aimable. Tout à fait. Mais tout simplement, où est-ce qu'on peut vous retrouver Alors, 21 rue. Ouais, ça marche. Au 06. Non, sur des radios alliées, des radios amies de Radio Fadjet. Magali, toi, on te retrouve où pour l'instant alors, et où bientôt? Voilà, alors moi, pendant une semaine, vous me retrouverez encore à la matinale de Radio RCF. Et à partir du 18 février, fini la matinale, on reprend une vie normale. Oh. Voilà, on travaille avec des horaires de journée et ce sera donc sur Radio RCN. Très bien. Et donc ça, à partir de la semaine... Du 18 février. Du 18 voilà. Février, c'est tout bientôt. chère Élise. Et ben moi, on me tu vois, ma chère. Oui, mais les mauvaises habitudes reviennent. Hein. Donc moi, vous pouvez me retrouver tous les midis, du lundi au vendredi, en direct sur Radio Déclic, dans l'émission Toute l'actu, rediffusée à 18h, si vous avez loupé. Et puis, vous avez également, juste après, à 12h30, toujours un reportage, un rendez-vous en Terre de Lorraine, sur des actualités variées du territoire. On sort un peu de Nancy, mais voilà, ça permet de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs aussi, c'est plutôt pas mal, donc n'hésitez pas à m'écouter aussi, et juste après vous écoutez du coup très en forme le jeudi, parce que oui, tu y es. Bah, oui, voilà, bon, écoutez aussi les autres jours, tant qu'à faire quand même, ça me fait plaisir, il se débrouille plutôt bien Valentin quand même.